disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 9. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent, sur democratie@protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent, sur democratie@protonmail.com. Je vous invite également à vous enregistrer, à rejoindre en fait, hein, le forum Europe Écologie Les Bruns à l'adresse suivante eelb.su. C'est un forum qui vous permettra déjà de commenter les articles qui paraissent sur le site de Démocratie Participative, éventuellement aussi de proposer des sujets de discussion divers. Il y a différentes sections, section informatique, si vous avez des questions à vous poser, d'ordre vraiment, vraiment technique, quoi, hein, si vous avez un petit problème d'informatique, vous avez besoin d'un petit coup de main, vous pouvez solliciter la communauté. De la même façon sur les crypto-monnaies, une section qu'on a ouverte récemment, et toute une autre série, hein, de sous-forums, n'hésitez pas à le rejoindre. Maintenant, avant de remercier nos donateurs de cette semaine, je vais présenter les membres qui participe à cette émission. Je vais commencer sans transition aucune par Fulbert, qui nous fait le plaisir, comme chaque semaine, d'être avec nous. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Gandalf, bonjour à tous, et je vais bien, merci. Et avec nous aussi cette semaine, Diabolix. Salut Diabolix, comment vas-tu? Salut Gandalf, ça va très bien. Je souhaite une excellente journée à tous nos auditeurs, qui s'amusent bien et qu'ils aient des semaines particulièrement productives. Cette semaine encore avec nous, Alex. Alexis, comment vas-tu, Alex? Salut Gandalf, ça va bien, salut tout le monde. Et avec nous encore cette semaine, Merlin, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette émission. J'espère que tu vas bien, cher Merlin. J'espère que tu auras des choses à dire cette semaine. Salut à tous. Ouais, alors en ce moment, je suis reclus au fond de mon labo, face à mon grimoire. Je potasse mes formules, j'essaie de conjurer le sort judéo-nègre, mais bon, c'est pas évident. Oui. Salut à tous quand même. Il y a du boulot, effectivement. On te demande pas non plus, hein, de nettoyer les écuries d'Ogias en une journée. On a conscience de l'ampleur de la tâche. Exact. Enfin, est avec nous cette semaine Porovitch. Salut Poro, j'espère que tu vas bien, Poro. Salut Gandalf, salut les auditeurs, salut les camarades. Bah oui, good, moi ça va. Ça, oserais-je dire ça gaze, sans mauvais jeu de mots? Alors, j'aimerais que tu oses, et j'aimerais qu'on tente. J'aimerais qu'on tente. Peut-être avec la cave de Fulbert, il y a peut-être un truc à tenter, justement. Tu vois, un truc, tu vois, genre... tu vois, on crée une chaîne YouTube bricolage, tu vois. J'ai des idées en tête, mais c'est peut-être un petit peu prématuré. Toujours est-il que je vais remercier nos donateurs de cette semaine. En réalité, il y en a un qui s'est manifesté. Si vous nous faites des dons, n'hésitez pas, hein, à vous manifester. C'est avec plaisir qu'on lira, bien évidemment... On vous remerciera à l'antenne, bien sûr, et tous ceux qui nous soutiennent et qui ne se manifestent pas. Hein, on a beaucoup de donateurs qui ne sont pas connus, enfin qui ne veulent pas se faire connaître. Alors, ce don, c'est Octavius qui nous écrit « Bonjour, cher démocrate participatif, après avoir donné au camarade Heinrich, oui, c'était la personne, le camarade hein, qu'on a, pour lequel on s'est mobilisé, j'espère qu'on enfin, j'espère que les choses iront pour le mieux. Le mois dernier, pour l'aider à surmonter ses difficultés financières, voici mon premier don de 0,28 monero à démocratie participative. Si Semel est élu à la prochaine émission, je souhaiterais demander aux participants s'ils ont entendu parler de l'initiative proche de faits et documents. Et alors, c'est jesuispartout.com. Alors, donc le site, c'est jesuispartout, comme ça se prononce, hein, jesuispartout.com. Ils sont présents sur Gab, Twitter. Et en fait, la thématique, c'est la suivante. C'est qu'en fait, il présente... oui, présente, je veux dire ça comme ça. Il présente des gens qui sont d'origine juive, en fait. Mais que les gens, dont les gens ne connaissent pas nécessairement l'origine juive. Et sur leur site, sur jesuispartout.com, il y a une cartographie, littéralement, interactive, où vous voyez, en fait, toute cette galaxie de personnalités juives que nous voyons par la force des choses à la télévision, que nous entendons à la radio, que nous voyons écrire des articles toutes les semaines dans les journaux, qui sont dans les partis politiques, qui sont des gens influents aussi sur YouTube, etc. Eh bien, il y a tout un travail comme ça d'information sur le sujet. Donc oui, c'est une initiative tout à fait utile, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas d'ailleurs qui est à l'origine de cette initiative, mais je la salue bien sûr, et donc c'est avec plaisir que je réponds positivement à notre donateur qui voulait qu'on en parle. Voilà. Donc référez-vous à ce site jesuispartout.com. Voilà. Ouais, j'avais vu, je suis tombé sur cette page sur Gab. Et je la suis depuis quelques mois d'ailleurs. Moi je connais toutes les têtes de galerie qui sont présentées, mais aujourd'hui il y a quand même des choses surprenantes parce qu'en fait, donc quand vous suivez Gab ou Twitter, il est bien entendu que, enfin ce compte quoi, hein, je suis partout, vous savez que tous les visages qui vont afficher sont des visages de juifs. Mais il y a des photos qui sont vraiment intéressantes, par exemple il y en a une que j'ai vue aujourd'hui, où ça se passe sur le plateau de Michel Drucker, du temps où il avait son émission, je crois que c'était Vivement Dimanche, hein, je crois, hein, quand il était encore à la télévision, où il y a 8 personnes, donc il y a Drucker, et il y a 8 personnes autour de lui, autour de ses canapés rouges, quoi, et il pose avec ses invités, et en fait, ils sont tous juifs. Il y a Roumanoff, hein, je ne les ai pas tous en tête, hein, mais il y a Drucker, Roumanoff, il y en a comme ça toute une série, et t'es frappé de l'entre-soi communautaire. Quoi, hein, et ça se passe devant les Français, je veux dire, mais les Français ne savent pas. Les Français ne savent pas que Anne Roumanoff est juive. Ils ne savent pas, ils l'ignorent totalement. Ils l'ignorent totalement. Et 90% des Français ne savent pas ce qu'est un juif. Et ouais, et donc c'est pour ça, hein, c'est l'utilité de ce site et de cette initiative, hein, c'est de dire « Ah, vous les avez pas remarqués, ben ils sont partout ». C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, quoi. Ouais. J'approuve totalement, hein. J'aime bien la bannière d'ailleurs sur Gab. Moi je pense que la question juive serait vite résolue si tous les juifs étaient mauves. Je pense qu'il ressent. Il n'y aurait plus de questions juives, en fait. Ça serait, voilà, ça serait réglé, en fait. Mais... S'ils avaient tous la même tête que dans Invasion Los Angeles, par exemple, le film. Voilà, cette semaine, j'en ai encore... Bon, c'était la salle juive de la semaine dernière, hein. C'était Rachel Kahn, quoi. Donc, pendant deux millénaires, ils ont infiltré, évidemment, l'Europe. Alors, ils présentent des faciès un peu, vous voyez, qui sont de nature à tromper le goy, vous voyez, surtout dans un environnement où il y a des gens bruns, vous voyez, les Finkielkraut, etc. Et là, avec Rachel Kahn, là, il y a de l'ambition dans la communauté juive. Donc Rachel Kahn fait partie de la LICRA, d'ailleurs, hein, elle fait partie du comité directeur. Et depuis quelques jours, on la voit surtout sur plusieurs plateaux de télévision, je l'ai vu chez Quotidien avec Yann Barthès. Et donc, c'est une métisse, je sais plus quoi, mais d'Afrique de l'Ouest. Un père d'Afrique de l'Ouest et une mère juive ashkénaz de Pologne. Donc, comme quoi, hein, ils sont pas tous tout à fait... ils sont pas tous morts, hein, visiblement. Et alors, le nouveau discours... Pourquoi une métisse afro-ashkénaze maintenant? Pourquoi sur tous les plateaux de télévision français? Et que dit-elle? Ben, elle dit, il faut pas se revendiquer de son identité raciale ou religieuse. C'est pas bien. Et elle dit, voilà, moi, je suis pas racisé. Je suis pas, je suis pas assigné à une identité. Ah bon, hein, entre guillemets, mais bon. Je suis universaliste, je suis républicaine. Voilà, truc. Ouais, bon. Mais évidemment, elle n'explique pas au grand public que maman va à la synagogue, évidemment. Donc les juifs sont toujours sur ces deux tableaux, en fait. Hein. Ils prêchent l'universalisme pour les autres peuples, mais ils ne se défont jamais de leur tribalisme le plus sectaire, hein, c'est clair. Donc là, on voit la lycra essayer, l'araignée de la lycra essayer de tisser sa toile pour... circonvenir en fait les Africains qui deviennent de plus en plus revendicatifs en fait en France, et puis les musulmans aussi, hein, les maghrébins, quoi, ce qu'ils appellent le mouvement décolonial, donc le mouvement colonial, et qu'ils n'arrivent pas à juguler, c'est-à-dire qu'en fait les juifs perdent le terrain, quoi, hein, dans les facs, dans la rue, ils n'ont plus l'ascendant, quoi, hein, ils ont clairement perdu les immigrés, on s'était annoncé par Dieudonné, hein, il y a déjà 15 ans, quoi, mais voilà, et là ils flippent, et donc maintenant ils font monter au créneau des créatures à visage négroïde, mais non, hein, ils font partie de la tribu. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une cartographie qui nous situe la tribu, quoi, voilà, parce qu'ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout. Alors messieurs, maintenant que j'ai dit ça, et finalement c'est bien qu'on ait parlé de Rachel Kahn, parce que j'ai parlé du mouvement décolonial, entre guillemets, mouvement colonial, qui inquiète les juifs, qui craignent en fait que la montée en puissance de forces centrifuges à caractère racial ou identitaire fasse que chacun doive se positionner en fonction de son appartenance, ce qui à terme veut dire que les juifs ne pourront plus se mouvoir avec la même aisance dans l'appareil d'État français, forcément, parce que s'il y a des blancs d'un côté, s'il y a des noirs de l'autre, s'il y a des arabo-musulmans, au bout d'un moment, il y aura des juifs, hein, voilà, et si les juifs sont marqués, je disais que ce serait bien si les juifs pouvaient être mauves, ça résoudrait la question juive, et bien c'est un petit peu ça qui angoisse les juifs actuellement, hein. Ils ont peur que les gens de la diversité leur disent qu'ils sont mauves, justement, vous voyez, donc voilà. Eh bien, ça fait le lien, hein, l'article que je vais lire maintenant, puisque nous passons à la rubrique numéro 1, autisme radical. C'est un vrai concentré. Alors, c'est un article qui est long, de Marianne, c'est un article de fond. On dit, c'est le journal Marianne, on pourrait aussi appeler ça Marane, hein, c'est à peu près pareil. Pendant très longtemps, ça a été dirigé par Jean-François Kahn, hein, dont le frère brille sur les plateaux de télévision, Axel Kahn, hein, prêchant la vaccination, etc. L'abolition de Noël aussi, si vous vous rappelez, il y a 3 mois, Axel Kahn, d'origine juive, qui prêchait le métissage, avant le Covid, vous voyez. Donc, il y a des continuités. Donc Marianne est très inquiète, évidemment, en raison donc de la montée en puissance de ce que je viens de décrire. Alors, comme l'article est long, j'invite les participants à ne pas hésiter à m'interrompre lors de la lecture si vous voulez rebondir sur quelque chose. Plutôt que d'avoir une lecture entière d'un bloc, n'hésitez pas, quoi, hein. Voilà, s'il y a un élément qui vous interpelle, prenez la parole, ça sera plus agréable à l'écoute. Justement, ouais. À propos de ce que tu disais, notre ami Jean-François Kahn a trouvé le moyen de se recaser sur le premier journal francophone belge le soir. Il a une chronique ou il y a un éditorial, je ne sais plus, je crois que c'est une chronique. Bref, ces couillons l'ont récupéré, quoi. Ah ouais, c'est un peu comme les vieux footballeurs, quand ils sont usés en Division 1, ils passent en CFA 2, tu vois. Quand ils ont 39 ans, quoi. C'est un peu... C'est comme ça, ouais. Comme ça, ouais, c'est un peu comme ça. On dit plus Division 1 maintenant, on dit Ligue 1, mais l'idée est la même. Alors voici cet article. Donc ça se passe à Grenoble, à Sciences Po Grenoble. Donc les noms de 2 professeurs accusés d'islamophobie ont été placardés sur les murs de l'IEP. 2 professeurs de Sciences Po Grenoble sont accusés d'islamophobie. Leurs noms ont été placardés devant l'établissement ce 4 mars. L'un d'eux, critiqué pour avoir questionné la notion même d'islamophobie, dénonce auprès de Marianne un climat tendu où la liberté d'expression est menacée et où les débats autour de la religion musulmane sont devenus tabous. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, le spectre des accusations d'islamophobie refait surface. Les noms de deux professeurs de l'Institut d'études politiques de Grenoble, donc Sciences Po, en étant accusés, ont été placardés le 4 mars avec des collages devant l'établissement. D'après nos informations, l'un d'eux a déposé plainte et l'IEP a déposé quant à lui un signalement. Une affaire révélatrice, selon l'un des enseignants, d'un climat de tension au sein de l'école où le débat sur l'islam serait devenu tabou. Le 4 mars, l'UNEF Grenoble publie une photo d'un collage à l'entrée de l'établissement portant cette inscription « Des fascistes dans nos amphis » et « Kinsler, démission, l'islamophobie tue ». Dans son tweet, le syndicat mentionne lui-même le nom des deux enseignants. Pour comprendre l'engrenage qui a mené à cet affichage, il faut remonter à fin novembre 2020. Un groupe thématique se forme pour préparer la semaine de l'égalité et contre les discriminations au sein de l'établissement. Un événement auquel Klaus Kinsler, professeur d'allemand à l'IEP, n'a pas l'habitude de participer, même s'il le trouve parfaitement légitime. Cette fois-ci, l'intitulé du groupe de travail « Racisme, islamophobie, antisémitisme » interpelle cet agrégé d'allemand. Il décide donc de le rejoindre dans l'espoir d'en débattre et de faire évoluer l'intitulé. Cet enseignant, qui officie depuis 25 ans au sein de l'établissement, doute de la pertinence du concept d'islamophobie, utilisé pour désigner des discriminations dont feraient l'objet des musulmans en raison de leur religion. Concernant notre groupe thématique, « Racisme, islamophobie, antisémitisme », je suis assez intrigué par l'alignement révélateur de ces trois concepts, dont l'un ne devrait certainement pas y figurer. On peut même discuter si ce terme a un vrai sens ou s'il n'est pas simplement l'arme de propagande d'extrémistes plus intelligents que nous, écrit-il aux autres membres du groupe dans un échange de mails que Marianne s'est procuré. Sa collègue Claire M. ne l'entend pas de cette oreille. Si elle reconnaît dans un courriel que la notion d'islamophobie est effectivement contestée et prise à partie dans le champ politique et partisan. La chercheuse affirme que ce n'est pas le cas dans le champ scientifique. Voilà. En science, l'islamophobie, c'est avéré, c'est de la science dure. Elle défend qu'il lui paraît légitime d'employer le terme pour désigner des préjugés et des discriminations liées à l'appartenance réelle ou fantasmée à la religion musulmane, associée ou non à une discrimination et des préjugés liés à l'assignation raciale, que désigne le terme générique de racisme. Réponse de Klaus Kinsler. Je refuse catégoriquement de laisser suggérer que la persécution imaginaire des extrémistes musulmans et autres musulmans égarés d'aujourd'hui ait vraiment sa place à côté de l'antisémitisme millénaire et quasi universel ou du racisme dont notre propre civilisation occidentale, tout comme la civilisation musulmane d'ailleurs, est passée championne du monde au fil des siècles. Faisons à nouveau référence au fait que la notion d'islamophobie soit accolée à celle d'antisémitisme. J'ai décidé que, au cas où le groupe déciderait de maintenir ce nom absurde et insultant pour les victimes du racisme et de l'antisémitisme, je le quitterai immédiatement, conclut le germaniste. Quelques échanges plus tard, Klaus Kinsler relaie les propos d'un de ses collègues, Vincent T., lui apportant son soutien et alertant sur l'usage grandissant du terme islamophobie, utilisé y compris pour remettre en question la laïcité française ou le droit au blasphème. Charlie Hebdo était accusé d'islamophobie. Samuel Paty était accusé d'islamophobie. La loi de 2004, donc sur le port des signes ostentatoires, comme vous le savez, est accusée d'être islamophobe. Le blasphème est islamophobe. La laïcité est islamophobe. La notion d'islamophobie popularisée en France par le collectif contre l'islamophobie en France récemment dissous fait en en effet l'objet de vives contestations, y compris dans le champ universitaire. À propos de son utilisation, l'essayiste Caroline Forest, bon, qu'on ne présente plus, c'est l'équipe de BHL, hein, écrit dans Marianne: un usage abusif tente à faire passer toute critique de la religion ou de l'intégrisme pour du racisme. Un usage naïf pense sincèrement viser le racisme anti-musulman. Racisme anti-musulman. Il est vite submergé par l'interprétation extensive et abusive. C'est au nom d'une vision abusive du mot islamophobie que toutes les campagnes d'intimidation visant à brider la critique de l'intégrisme ont été menées ces dernières années. Justement, celles au cours desquelles l'intégrisme frappait et tuait. Voilà. J'observe quand même que Caroline Forest valide le concept très étrange, hein, de racisme anti-musulman. Donc les musulmans seraient noirs, c'est curieux. Dans son entretien accordé récemment à Marianne, Pierre-André Taguieff, directeur de recherche honoraire au CNRS, qui a forgé la notion d'islamo-gauchisme, alerte: on peut voir dans ses attitudes et ses comportements le résultat de la stratégie des frères musulmans qui jouent sur la culpabilisation et, le victimisme pour conquérir l'opinion occidentale. Klaus Kinzler réitère dans son courriel son souhait de voir le terme islamophobie retiré du groupe de travail et assure que l'immense majorité des cas de discrimination des musulmans aujourd'hui, et ces cas de discrimination existent évidemment, n'a que peu ou pas de rapport avec la religion, mais relève du racisme pur et simple. Donc en fait, il faut parler du racisme, nous dit Klaus, il ne faut pas parler de religion. Y joignant quelques considérations, je le confesse, je n'aime pas beaucoup cette religion, parfois elle me fait franchement peur, comme elle fait peur à beaucoup de Français. Sommes-nous donc de vilains islamophobes ? Alors au sens strict, oui, hein, islamophobe, avoir peur de l'islam, c'est ce que ça veut dire, oui, tout à fait. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais ressenti de ma vie la moindre antipathie ou le moindre préjugé envers les hommes et les femmes qui pratiquent cette religion, j'en connais de nombreux, ni pour toute personne d'ailleurs dont les origines se trouveraient dans une des régions du monde où l'islam est majoritaire. Auprès de Marianne, Klaus Kinzler assume: je n'aime pas l'islam sous sa forme actuelle, sous sa forme d'islamisme et de fondamentalisme. J'ai peur de ce fondamentalisme qui a pris le pouvoir depuis 50 ans dans les pays musulmans, mais je n'ai jamais de ma vie été un islamophobe, ni pensé que je n'aimais pas les musulmans. Depuis le début, des étudiants participant au groupe de travail sont dans la boucle des mails. L'agrégé reçoit alors un courriel d'une chargée de mission de l'IEP qui lui indique que ces derniers se sentent agressés à la lecture des échanges. Klaus Kinzler apprend également que Claire M., sa collègue, aurait été heurtée par ses propos. Il lui communique une lettre d'excuse dans laquelle il regrette avoir pu s'emporter sur la forme, mais maintient ses positions. Évidemment que la majorité des chercheurs en sciences sociales défendent ce terme, mais il y a aussi ceux qui le contestent. J'ai été ferme, mais je n'ai jamais quitté la politesse. J'ai fait des mails assez longs qui ont été interprétés comme du harcèlement. Comment voulez-vous faire quand on ne peut pas se rencontrer en vrai ni échanger en vidéo ? Défend le professeur d'allemand. Car Claire M. s'est plainte de harcèlement auprès du laboratoire de recherche PACTE, hein, P-A-C-T-E, au sein duquel elle travaille également. La réponse de la structure, qui dépend du CNRS, ne se fait pas attendre. Dans un communiqué officiel du 7 décembre, signé par Anne-Laure Amilat-Zari, directrice du laboratoire, PACTE apporte son soutien à Claire M. et estime que nier au nom d'une opinion personnelle la validité des résultats scientifiques d'une collègue et de tout le champ auquel elle appartient constitue une forme de harcèlement et une atteinte morale violente. En tant que laboratoire de recherche, il nous importe de ne pas confondre opinion et connaissances éprouvées par des méthodes scientifiques, explique à Marianne Anne-Laure Amilat-Zari. Claire M. n'a pas répondu à nos sollicitations à la publication de cet article. Donc en fait, c'est de la science. Hein, voilà, c'est de la science. C'est pas une opinion, c'est de la science. L'affaire ne s'arrête pas là. Le 7 janvier, le collectif Sciences Po Grenoble en lutte, relayé par l'union syndicale Sciences Po Grenoble, dont des élus étudiants siègent à la fois au conseil d'administration et à celui des études et de la vie étudiante de l'IEP, publie sur sa page Facebook des extraits des courriels de Klaus Kinzler, sans mentionner son nom. En s'opposant à la présence du terme islamophobie dans cet intitulé, un enseignant a développé un discours que nous jugeons inacceptable, écrit le groupe. Lui reprochant, je cite, un discours ancré à l'extrême droite. Le tout précédé par une mention d'avertissement appelée Trigger Warning, islamophobie. Une deuxième affaire, pas si éloignée par les thèmes sur lesquels se fondent ces accusations, intervient alors. Le 22 février, l'Union syndicale Sciences Po Grenoble publie un post sur sa page Facebook dans laquelle elle indique vouloir retirer des maquettes pédagogiques pour l'année prochaine, le cours optionnel Islam et musulmans dans la France contemporaine, si, lors de ce cours, des propos islamophobes y étaient dispensés comme scientifiques. Donc en gros, s'il y avait un discours critique vis-à-vis de l'islam, eh bien à ce moment-là, le syndicat donc, de Sciences Po, le syndicat étudiant, dit qu'il faut absolument abolir ce cours. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils disent que, grosso modo, l'apologie de l'islam est la seule lecture scientifique possible de l'islam. Voilà, je reproduis donc en synthèse leurs propos. Le groupe lance par la même occasion un appel à témoignages. Contacté par Marianne, l'Union syndicale reste vague sur d'éventuels éléments qui auraient mené à cet appel. Si l'on avait des remontées en ce sens, pourquoi aurions-nous eu besoin de faire un appel à témoignage ? La participation des étudiants TES à nos décisions est chose courante. Le professeur en charge du cours, pas nommé par l'Union syndicale, est Vincent T., le même qui avait apporté son soutien à Klaus Kinzler. Il est maître de conférences en sciences politiques et anime ce cours, non obligatoire dans le cursus des étudiants, depuis plusieurs années. Il a même publié en 2016 pour la Fondapol une note intitulée « Portrait des musulmans d'Europe, unité dans la diversité ». C'est un universitaire reconnu pour ses travaux sur le sujet, nous confie l'un de ses anciens élèves. Trois jours plus tard, sans que l'on sache s'il y a eu des menaces, Vincent T. écrit dans un mail adressé à ses étudiants et transmis à Marianne par l'une d'elles « Pour des raisons que je ne peux expliquer par mail, je demande à tous les étudiants qui appartiennent au syndicat dit Union syndicale de quitter immédiatement mes cours et de ne jamais y remettre les pieds. Avant d'ajouter, je ne comprends pas, du reste, pourquoi ils n'ont pas d'eux-mêmes demandé à changer de cours puisque ma personne leur est tellement insupportable qu'ils sont prêts à mettre ma vie en danger. » Dans un post Facebook du 27 février, l'Union syndicale de Sciences Po Grenoble répond qu'elle n'a jamais mis en danger la vie de Monsieur T, ni ne l'a attaqué ou menacé publiquement, ni accusé de quoi que ce soit. Ce sont donc de fausses accusations, annonçant qu'elle a porté plainte pour diffamation et pour discrimination à raison des activités syndicales. À Marianne, l'Union syndicale explique « Notre but n'est en aucun cas de lancer une chasse aux sorcières comme on nous en accuse. Notre but est de rendre notre institut un endroit moins discriminatoire pour tous. » Je lis un texto. Tous. Oui, Diabolix. Gandalf. Excuse-moi, mais bon, ce texte est particulièrement long. Il est clair que nous arrivons au niveau de la France, mais au niveau de toute l'Europe de l'Ouest, dans une espèce de sodomie diptère, et je suis encore extrêmement poli, qui commence à casser les bonbons de beaucoup de gens. Et moi, j'ai un message pour nos petits copains de Sciences Po, parce que c'est quoi Sciences Po ? Sciences Po, c'est une bande de petits connards qui sont rigoureusement incapables de changer une ampoule électrique ou de faire démarrer le moteur de leur voiture quand elle est en panne, et qui tirent des plans sur la comète à longueur de journée pour nous expliquer comment nous devrions vivre. Alors moi, j'ai le message suivant pour nos petits copains de Sciences Po. Faites très attention, les gars, le jour où les ingénieurs, les techniciens, et toutes les personnes qui ont des diplômes universitaires se décideront à jeter l'éponge et à faire une gigantesque grève générale au niveau de la planète entière. Parce que comme vous n'êtes pas foutus de faire autre chose de vos 10 doigts que de faire des conneries à tous les niveaux, je me demande manifestement ce que vous serez capable de faire quand il fera moins 20 et que la chaudière sera en panne. Voilà, je te laisse reprendre ton texte Mais moi, je le dis très honnêtement, le jour où les vrais travailleurs, pas les fantasmagoristes, le jour où les véritables travailleurs se décideront de croiser les bras, ces petits merdeux seront morts sur pied parce qu'ils sont rigoureusement incapables de faire quoi que ce soit d'un peu technique. Par contre, tout ce qu'ils font dans leur existence a une mission, emmerder la planète entière. Alors, personnellement, j'écoute un petit peu le déroulé des faits. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est combat d'autistes. C'est vraiment... ce sont des fous. Ce sont des fous furieux. Oui, oui, ça on peut le dire. Oui, il n'y a pas de problème. J'en termine avec l'article. C'est très court. Enfin, c'est relativement court. Et ensuite, on pourra en discuter plus longuement. Donc, deuxième courriel de Vincent T. à ses étudiants le 28 février. Transmis là aussi par une étudiante à Marianne, il reconnaît que la virulence de son premier mail était à la hauteur du coup de massue que j'ai reçu, évoquant par là les accusations d'islamophobie à son encontre. Tout en s'indignant, je ne nie pas que mon cours comporte une approche critique de l'islamisme, est-ce que cela choque, et même de certains aspects de l'islam dans sa configuration actuelle. Mais quoi ? Rêve-t-on de remplacer mon cours par un enseignement théologique dispensé par un imam ? Mais le problème n'est pas dans les problèmes de définition. Il est dans l'usage des étiquettes qui, aujourd'hui, on le sait, peuvent tuer. Que des étudiants puissent, dans le contexte actuel, quelques semaines seulement après l'affaire Paty, se permettre ce genre de stigmatisation à quelque chose d'odieux et de méprisable quand on sait les conséquences épouvantables que cela peut avoir via les réseaux sociaux. Effectivement, on va le comprendre tout de suite. Les deux affaires atteignent une autre dimension lorsque le nom des deux enseignants est placardé le 4 mars sur les murs de l'établissement. Auprès de Marianne, Sciences Po Grenoble évoque des attaques abjectes et inacceptables. Dans un mail que nous avons consulté, la directrice de l'établissement écrit que les personnes qui ont placardé ces affiches ne semblent pas être les élus étudiants de l'IEPG, Institut d'études politiques de Grenoble, donc Sciences Po. L'institution fera tout ce qui est possible pour protéger Klaus et Vincent. Une affaire symptomatique d'un climat de tension au sein de l'université. La liberté d'expression est fortement menacée, pas seulement par les étudiants, déplore à Marianne Klaus Kinsler. Une minorité essaye d'imposer sa loi, y compris chez les enseignants. Chercheurs, on vous attaque de front si vous osez dire quelque chose qui ne plaît pas, en particulier sur ce qui concerne l'islam. C'est le tabou. Nous suivons attentivement le dossier, indique à Marianne les services académiques. Alors... c'était un article long, mais l'affaire défraie la chronique en ce moment, mais j'ai envie de dire pratiquement maintenant, si ce n'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours, nous avons une affaire de ce type, hein. On avait l'affaire de Trappe il y a quelques semaines, et puis voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est une musique qui s'installe progressivement et qui en fait est symptomatique de la confrontation qui se passe au sein, puisqu'à chaque fois ça concerne l'appareil éducatif français, le ministère de l'éducation post-national, à chaque fois on voit une ligne de fracture entre les tenants, on va dire, de la ligne historique, le canal laïcar historique, de gauche, hein, bien sûr, et la nouvelle démographie française, très clairement, qui mélange des étudiants d'origine immigrée et, comment dirais-je, des avortons d'extrême gauche blancs. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, en fait, la gauche laïcarde se fait déborder par l'extrême gauche avec l'aide des islamistes. Mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des activistes noirs, etc. Donc, ça, c'est cette fracture-là, elle est tout à fait fondamentale, puisque, je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais... évidemment, dans l'histoire de la République française, le républicanisme français s'est établi, grosso modo, après la défaite du Second Empire, donc 1870-1880, et très très vite, les républicains qui viennent de proclamer la Troisième République vont réfléchir et vont à peu près être d'accord, il y a un consensus qui va émerger, qui va se dire, bon, pourquoi la Première et la Seconde République ont échoué ? C'est parce que nous n'avions pas les masses. Pourquoi nous n'avions pas les masses? Eh bien parce qu'idéologiquement, elles étaient rétives à l'idée républicaine, au plan philosophique, à cause de l'emprise religieuse catholique, notamment sur les masses paysannes. Donc quand est proclamée l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, le projet, c'est de s'emparer de ces immenses masses de paysans, de les arracher des mains de l'Église catholique pour en faire des républicains. Voilà. C'est pour ça que l'histoire de la République française est indissociable de deux choses. Premièrement, le ministère de l'Instruction publique qui deviendra le ministère de l'Éducation nationale, et deuxièmement, de l'affaire Dreyfus. Absolument indissociable. Et aujourd'hui, eh bien, c'est deux piliers en fait du système en France, donc matrice républicaine qui s'enracine dans le ministère de l'Éducation nationale et donneur d'ordre juif, eh bien, se sentent menacés et à raison par cette nouvelle sociologie. Donc, c'est pas simplement des tensions, j'allais dire. Ouais, c'est pas une question sécuritaire, ouais, c'est pas une question de loulous de banlieue qui font chier leur monde, quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment existentiel. Et on voit que ça se multiplie partout, quoi. Et Sciences Po, c'est intéressant. Alors, Sciences Po, c'est pas une grande école. Mais beaucoup de gens qui transitent par Sciences Po, on va les retrouver ensuite dans toute une série d'administrations, de partis politiques, etc. Donc, ils vont essaimer ensuite. Donc, on sait très bien que ça aura... c'est des métastases, quoi, hein, ça va métastaser un peu partout, c'est tout à fait clair, quoi. Donc là, il y a une lutte idéologique, dont il faut bien reconnaître les blancs, conscients d'eux-mêmes, sont totalement écartés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élite blanche là-dedans, hein, c'est fini, hein, de ce côté-là. Mais le système, enfin, je veux dire, le système républicain, la République de demain, en gros, ou l'État français de demain, il est son contrôle est en train de se décider maintenant, tout de suite, là. Et vous l'avez sous les yeux. Donc voilà, c'est en ça que c'est quand même intéressant, mais il y a quand même quelque chose de rassurant, c'est que ce sont tous, un petit peu ce que disait Diabolix, ce sont tous des bras cassés, quoi. Ce sont tous des bras cassés, c'est évident que ces gens-là ce sont pas des gens qui vont pouvoir tenir un état, hein, ça c'est clair. Mais bon, ça indique quelque chose. Alors est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, sur tout ça, qui vous interpelle en particulier? Il y a un peu de tout. On voit du féminisme qui se porte au secours des Arabes, c'est assez marrant. On voit des Allemands antifascistes qui sont très soucieux de l'Holocauste, mais qui n'aiment pas la religion des musulmans. Ça se passe pas très bien. Qui voudrait dire quelque chose sur tout ça, ou sur autre chose d'ailleurs? Sujet connexe. Ouais, moi je vais revenir un peu sur islamophobie. Alors islamophobie, donc peur de l'islam, soi-disant. Bon, alors effectivement, au sens strict, Klaus Kinzer, qui dit lui-même qu'il a peur ou qu'il se méfie des musulmans, bah oui, effectivement, il est islamophobe, à ce point de vue-là. Mais quand on dit phobie, on suppose qu'une agressivité, alors c'est vrai que c'est un peu curieux, mais ce qui est certain, c'est que l'islamophobie vient de milieux, en tout cas pro-musulmans. Je crois qu'au départ, c'est des gens autour du Qatar qui ont voulu forger ce terme et le répandre. Et ce terme qui a eu droit de citer aussi sur des plateaux médiatiques, donc on se positionne vis-à-vis de ce terme qui lui-même est un terme piégé. Bon, déjà, donc c'est un peu compliqué de raisonner avec des sujets comme ça. Bon, après, autrement, bon, bah, le Kinzler... On peut s'arrêter un peu sur la question de l'islamophobie, le mot islamophobie. Bah, c'est effectivement un mot piégé. C'est un mot qui rappelle homophobie, puis c'est un mot, si tu veux, qui implicitement appelle une condamnation morale, comme le racisme, l'antisémitisme. Condamnation morale qui est jamais discutée. Hein. On discute jamais du bien fondé de cette morale, de quelle vision du monde, quel groupe de gens elle émane, etc. Tout le monde est bien d'accord que l'islamophobie, bon, quelque part, t'es un salaud. Et on critique à la limite le concept, mais jamais la condamnation morale qui est derrière. Bon, c'est spécial, hein, parce qu'on est un petit peu dans l'espèce de mandarina, vous voyez, un peu comme Byzance qui discutait du sexe des anges. Ces gens-là se battent sur des concepts, des mots. On est un peu dans l'incantatoire là-dedans. Bon, c'est très très loin, très très loin de la réalité des braves gens. Oui, oui, oui. y a la oui, tout à fait. C'est, on va s'arrêter là-dessus. Comment dirais-je, islamophobe, pas islamophobe. Alors évidemment, comme le mot s'impose progressivement par le matraquage, en fait, hein, il est adopté. Or, au sens strict, islamophobie, qu'est-ce que ça veut dire? La peur de l'islam. Donc Kinsler dit lui-même « j'ai peur de cette religion », donc il est islamophobe. Mais il y a la volonté de criminaliser la peur de quelque chose. Mais ça, c'est les musulmans ont simplement copié-collé le concept de xénophobie, c'est-à-dire la peur des étrangers. Mais en France, aujourd'hui, vous avez raison d'avoir peur des étrangers. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est simplement une conclusion de bon sens que tire n'importe quelle personne qui se balade dans une ville française aujourd'hui, qui compte un nombre énorme d'étrangers, et on sait très bien que le crime est d'origine étrangère en France, d'accord ? Que ce soit dans les quartiers repeuplés par les immigrés, que ce soit dans les prisons qui sont saturées de gens d'origine immigrée, etc. Donc on sait qu'il y a une corrélation entre le crime et l'immigration. L'immigration étrangère, par définition. Donc, le fait de criminaliser depuis 50 ans la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'étranger, qui est simplement un réflexe d'autodéfense face à une réalité, eh bien, les musulmans ont simplement copié-collé le principe et ont dit, bah voilà, xénophobie, islamophobie, la peur de l'islam. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'islam. Non seulement il n'y a pas de raison, mais en plus, il faut criminaliser ce sentiment. Parce que c'est un sentiment. Une phobie, c'est un sentiment. Hein. On dit, non, vous n'avez pas raison d'avoir peur de l'islam, et en plus, vous devriez être poursuivi en justice pour avoir peur de l'islam. Donc, bah si vous n'avez pas droit d'avoir peur de l'islam, ça veut dire que vous n'avez le droit qu'une chose. Vous avez le droit uniquement d'avoir confiance dans l'islam, d'aimer l'islam. Bah, ouais, ça marche aussi avec l'antisémitisme, hein, c'est la totalement, voilà. Obligatoire. Donc c'est un mot d'ordre qui vous intime l'ordre de vous convertir, littéralement. C'est-à-dire si vous n'êtes, imaginez, vous dites, moi j'ai pas envie de me convertir à l'islam. Pourquoi ? Bah, j'aime pas cette religion. Ah, bah, vous êtes islamophobe. Donc c'est un ordre, c'est un impératif de conversion. Et ça marche aussi effectivement avec le sémitisme, hein, avec les juifs. Voilà, si vous avez des réserves vis-à-vis des juifs, vous êtes un antisémite, vous êtes un judéophobe, bien sûr, et c'est du même niveau, quoi, hein, voilà, vous ne pouvez que aimer les juifs, que aimer tout ce que font les juifs, et si vous objectez, vous êtes un antisémite, donc vous êtes disqualifié, voilà. Donc en fait, c'est vraiment, avec nous ou contre nous, voilà. Et c'est ce que dit ce mot, en fait, d'islamophobie. C'est avec les musulmans ou contre les musulmans. C'est un ordre. On vous demande de choisir. Est-ce que vous êtes avec les musulmans ou contre les musulmans? En sachant que si vous êtes contre les musulmans, derrière, il y a des conséquences. Hein. C'est ce que suppose ce mot-là. Donc, vous voyez, comme quoi les mots, l'air de rien, sont chargés non seulement de sens, mais aussi de conséquences. Voilà. Et donc cette lutte autour de ce mot-là, qui pourrait paraître anecdotique, hein, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est si important de se bagarrer pour ce mot-là ? Oui. Oui, c'est là où se trouve le curseur du rapport de force. Voilà, le jour où le terme islamophobie sera totalement institutionnalisé, ça veut dire que la France sera totalement bougnoulisée. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Avec le précédent juif, bien évidemment, parce qu'en fait, ce qui se passe autour du terme islamophobie, de son acceptation ou de son rejet aujourd'hui, c'est exactement comme l'antisémitisme il y a quelques décennies. Voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être autre chose qu'être philosémite. Il n'y a pas d'autre option, d'accord ? Je veux dire, le philosémitisme est une obligation d'État en France. Je ne sais pas si les gens en sont conscients, mais on vous l'apprend à l'école, hein. Vous êtes obligé d'aimer les juifs. D'accord ? Même si c'est une race pourrie, dans les faits. Bah, vous êtes obligé de les aimer. Bah, c'est pareil avec les musulmans. Ils vous tranchent la gorge au coin de la rue, mais c'est pas grave. Vous êtes obligé de les aimer quand même. Voilà. Bon. Oui, et puis, si on met en parallèle avec, par exemple, le christianisme, bon, qui est quand même un des fondements de l'Europe, même si évidemment il y a peu de gens pratiquants aujourd'hui, mais si vous dites par exemple, moi je ne suis pas chrétien, ou j'ai été baptisé mais je n'aime pas le christianisme, ou ce genre de choses, en se référant je ne sais pas à qui, à Karl Marx, ou à Voltaire, ou à que sais-je, des gens qui étaient critiques vis-à-vis de la religion, chrétienne donc notamment, bon, en fait personne ne vous tombera dessus. Il n'y aura pas d'évêque qui va sortir une mitraillette et qui va venir vous tuer, quoi. C'est-à-dire que et notamment toute la culture Charlie Hebdo, qui a essentiellement vomi sur le christianisme pendant des décennies, bah, qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que le français moyen a été obligé de faire de la part de religieux ou de la part de gens se réclamant du christianisme? Est-ce qu'ils ont été obligés d'aller à la messe? Est-ce qu'ils ont été obligés de faire le carême? Est-ce qu'ils ont été... Non, ils ont été obligés à rien. Et il pouvait très bien se dire, moi je suis pas catholique, etc. Bon, mais là, ce qu'il entend d'arriver, c'est qu'on n'aura pas le droit, comme tu l'as expliqué, de dire, moi je n'aime pas l'islam, ou je n'ai pas envie de m'intéresser à cette religion, ou etc. Avec aussi une autre difficulté concernant ce terme, c'est que les musulmans aiment bien jouer de cette ambiguïté. C'est par islam, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend l'ensemble des musulmans, c'est-à-dire des gens tout simplement qui sont nés dans des pays majoritairement musulmans ou dans des familles musulmanes et qui par conséquent sont musulmans? Est-ce qu'on entend par là uniquement des pratiquants? Est-ce qu'on entend par là, est-ce qu'on entend par islam le système politique qui vise, par exemple, au fait qu'ils mangent pas de... ils mangent pas de porc, ou qu'ils ne boivent pas d'alcool, ou que... Bon. Donc en fait, il y a plusieurs sens à ce mot-là, même si évidemment c'est des réalités qui se recoupent, mais ils peuvent toujours, dans une discussion dialectique, essayer de nous piéger en disant « oui, mais si vous n'aimez pas ça, c'est que vous êtes ici. » Bon. C'est, en fait, on ne peut pas raisonner, puisque de toute façon, c'est un corps étranger à notre société. Donc on ne peut pas raisonner sur des bases simples, et on n'a même pas à le faire normalement. Je veux dire, c'est pas le rôle de Sciences Po de s'interroger sur ça. Normalement, le Sciences Po était au départ une école relativement d'élite qui était censée apprendre la culture de haut niveau, alors peut-être pas scientifique, mais en tout cas littéraire, historique, philosophique, linguistique, et puis former des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui pourraient devenir peut-être des diplomates, des ministres, des députés, des gens qui sont censés diriger la nation et la... dans une compétition quand même avec des pays comme la Chine, comme les États-Unis. Bon, enfin, c'est pas rien. Je veux dire, là, on n'est pas simplement dans une discussion de café du commerce. Bah, c'est un laboratoire, hein. Sciences Po Paris étant évidemment la locomotive, mais ça fait déjà de très nombreuses années que c'est devenu plus exactement un laboratoire de la dégénérescence. Un incubateur de toutes les théories les plus folles venues des États-Unis, mais en réalité pas venues des États-Unis, parce que ce sont les doctrinaires néo-marxistes des années 60 et 70 français qui ont exporté leur thèse aux États-Unis à cette époque-là, et qui reviennent 30 ans, 40 ans plus tard en France, et pas uniquement en France. Donc comme quoi, depuis un grand moment, et je pense que les Français devraient s'interroger là-dessus, je dis les Français lucides sur ces questions, devraient s'interroger sur la raison pour laquelle la France est un bac à merde depuis un siècle, voire deux siècles, parce que la France a quand même été la matrice fondamentale de toutes les idées dégénératives de gauche, hein. Ce qui nous invite quand même plus qu'à l'humilité, hein. C'est un travail d'autocritique strict. Et alors moi je vois, je m'écarte un peu du sujet, mais on va en parler d'ailleurs d'un sondage récent là qui sur ces questions. Mais je vois Marine Le Pen qui a réagi à un sondage qui justement parle de ces questions de rapport aux voiles islamiques, ça, qui évoquait justement l'attitude des lycéens par rapport à ça, où il y a une très nette majorité qui est en faveur du voile islamique. Elle dénonçait, Marine Le Pen, elle a vu là-dedans, elle a vu la menace de l'Amérique. Alors, là, à un moment donné, vous, si vous voulez, vous êtes obligé de... Enfin, vous êtes presque au bord des larmes, parce que c'est à pleurer, un truc pareil. Et parce qu'évidemment, Marine Le Pen, quand elle voit des bougnoules ultra excités qui ont envie d'imposer la charia en France, réflexe, elle pense au Texas. Elle pense au Texas. Elle pense au redneck du Texas, Marine Le Pen. Oui. Et ça, vous voyez, ça, c'est une incapacité en France, hein, des Français, à se dire, ben non, si on vit, si on patauge dans la merde, c'est pas parce que des gens à 4000 km ont décidé que, non, c'est parce que nous, tout seuls, on a décidé de vivre dans un immense bac à merde, parce qu'on aime ça, en fait, hein, c'est, voilà, c'est notre truc, et c'est pour ça qu'on est de gauche, voilà. Et Marine Le Pen, elle n'arrive pas à penser ça, elle n'arrive pas à le conceptualiser, elle n'arrive pas à comprendre qu'il y a quelque chose d'organique dans tout ça, d'accord ? Donc les idéologues de gauche en France, ils n'ont pas attendu les États-Unis, hein, pour se rouler dans les pires sous-productions intellectuelles. Voilà. Donc ça, je voulais quand même le rappeler. Et Sciences Po est vraiment... Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans, je veux dire. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'était comme la Sorbonne il y a 100 ans, je veux dire, enfin, ça fait très longtemps que l'univers académique français est la matrice des idées de gauche, qui mènent systématiquement vers le tas de fumier, quoi, voilà. Donc voilà, donc, mais là c'est la queue de comète quand même, hein. C'est quand même moins prestigieux que de chanter les mérites de Staline en 1946 comme Sartre, quoi. Ouais, y a quand même un peu moins de... Vous n'avez pas 20 millions de soldats de l'armée rouge pour un petit peu étayer votre délire, quoi, hein. Là, c'est quand même... on parle quand même de bougnoule puant qui se torche avec des bouteilles en verre. Il y a une baisse du niveau tendanciel. Enfin bon. Alors, peut-être qu'on peut quand même s'arrêter sur un truc, c'est un petit peu différent ce point que je veux soulever, mais c'est par rapport à la mort de Samuel Paty, parce qu'en fait, pourquoi ça fait criser tout le monde? C'est parce que donc les deux profs se sont fait afficher sur les murs de la fac, ce qui évidemment a un caractère menaçant, ça échappe à personne, et tout le monde se dit, attention, ça pourrait finir comme Samuel Paty, quoi. Et si vous vous rappelez, quand Samuel Paty a été décapité, Macron et les pouvoirs publics nous ont dit que vraiment, ça y est, c'était la guerre totale contre l'islamisme. Darmanin s'était engagé à virer, retenez votre souffle, 200 radicaux. Bon, il y a 10 millions de musulmans en France. Hein, bon. 200 radicaux, bon, je crois qu'on a arrêté de compter parce que le temps qu'on les compte, Macron en sera à son troisième mandat. Mais on nous avait vraiment promis, voilà, ça allait être extrêmement dur, les islamistes allaient le sentir, etc. Et puis en fait, 2-3 mois après, ben non, voilà, il y a des affiches wanted dans les facs de France pour dénoncer les profs qui sont islamophobes, entre guillemets, quoi, hein, voilà, qui auraient un problème avec l'islam. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que, ben ouais, la répression, elle n'est pas au rendez-vous, quoi, hein. Visiblement, quoi, ça, c'est pas dissuasif, quoi. On vient de dissoudre Génération Identitaire, par contre. Je sais pas si ça vous rassurera, mais... Macron est un communicant exclusivement, hein, toutes les choses qui ont été dites, en fait, dans la plupart des cas, c'est le contraire qui se produit, hein. Macron nous avait promis une start-up nation, alors que... Bon, déjà, c'était évidemment un terme qui était probablement un peu léger et mal choisi, mais enfin bon, c'est-à-dire, en gros, il avait été présenté comme un libéral, l'homme qui connaît l'entreprise, le privé, tout ça. Et finalement, on a un pays qui se transforme en dictature communiste. Bon, on nous explique après qu'il y a une crise, mais que l'épargne des Français n'est pas menacée, qu'il n'y aura même pas de hausse d'impôts. Puis après, on dit oui, mais en fait, peut-être que les circonstances nous amèneront quand même à des choses. Et puis après, finalement, bon... Vous savez très bien que votre épargne sera ensuite menacée, bien sûr, et qu'elle sera ponctionnée d'une manière ou d'une autre, et sans tarder. On nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire. On dit qu'il faut le faire pour les anciens, pour les protéger. Puis après, c'est les professionnels de santé, les infirmières, etc. Ensuite, ça va être d'autres gens et compagnie. Donc, de toute façon, entre ce qu'ils annoncent au départ et ce qui se passe, c'est toujours l'extrême inverse. Macron est un opportuniste, hein, il se situe au centre, enfin en fait c'est un socialiste à l'origine, il est membre du Parti Socialiste, il a fait l'ENA, donc c'est quelqu'un qui a une conception en réalité très socialiste, hein, du monde, hein. Étatiste, socialiste, c'est aussi un politicien, donc c'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui flatte des catégories, hein. Il a une approche, peut-être pour le coup libérale du processus politique. Donc voilà, il y a des niches, il faut les occuper. Voilà, donc il y a la niche islamique, il occupe la niche islamique. Et là, en fait, si vous voulez, c'est aussi le problème des centristes, c'est que ils peuvent à la fois démarcher la gauche et la droite, mais parallèlement, ils suscitent toujours d'éternels insatisfaits. C'est-à-dire que les gens de gauche estiment qu'il n'est jamais suffisamment de gauche, les gens de droite qu'il n'est jamais suffisamment de droite ou qu'il n'est pas vraiment de droite. Si tant est que le curseur droite-gauche veuille encore dire quelque chose, que je ne crois pas, mais disons que... parce qu'en fait, on le voit d'ailleurs, hein, il y a une recomposition du spectre politique, c'est de moins en moins droite-gauche et de plus en plus musulman, français de souche, etc., populiste, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est qu'on voit bien que d'ailleurs que les critères de la géographie politique changent complètement, quoi. On quitte la géographie pour parler de groupe, en fait, et de ce qui les qualifie. Et donc, de toute façon, Emmanuel Macron, si vous en rappelez, quand il a fait sa campagne en 2017, il a été quand même très ouvert vis-à-vis des musulmans, il a envoyé des signaux, etc. Et il avait même dans son programme de campagne, il y avait des gens autour de lui qui disaient voilà, qu'il fallait être très audacieux sur l'islam et qu'il fallait complètement changer la loi de 1905, vous savez, de séparation de l'Église et de l'État. Grosso modo, pour faire du clientélisme religieux à fond, à l'anglo-saxonne, Dixit, quoi. Et puis Macron a compris que ça valait pas le coup, parce que ce serait d'abord constitutionnellement extrêmement difficile, qu'il aurait que des coups à prendre, et pour un résultat qui serait complètement dérisoire en pratique, quoi. Donc il a complètement abandonné, mais comme il avait quand même beaucoup démarché dans ce sens-là, puis il y a aussi un caractère générationnel, parce que n'oubliez pas que Macron pense comme un Parisien, c'est-à-dire que pour lui, la jeunesse, c'est les bougnoules de banlieue. En dehors de l'Île-de-France, il n'y a rien, si vous voulez, pour des gens comme ça, hein. C'est au-delà de l'Île-de-France, il n'y a vraiment rien, quoi. Il y a quelques villes, ouais, il y a quelques trucs sur la carte, vous voyez, Lyon, Nantes, Strasbourg un peu, vous voyez, mais tous les gens qui vivent... la moitié de la population qui ne vit pas dans une grande ville, Macron ne les connaît pas. Hein. Et quand ils se sont rappelés à son bon souvenir avec les gilets jaunes, bon, bah, il a envoyé les flics pour les écraser, quoi, avec des blindés, etc. Rappelez-vous des blindés, hein. Vous voyez les émeutes, là, vous avez vu, hein. Vous voyez des blindés de gendarmerie quelque part? Nulle part. Bon, voilà. Voilà. Ça, c'est la signature de Macron. Voilà. Ça vous dit où il se situe. Eh bien, au bout d'un moment, le lobby laïcar, en fait, qui est le lobby juif, c'est connecté à Rachel Kahn. Hein. C'est impatienté. Ils ont voulu un message clair de Macron pour dire on va utiliser l'arme laïque pour écraser l'islam en France. Parce que les juifs veulent de l'immigration, parce qu'ils veulent une société multiraciale, une société cosmopolite pour écraser les blancs. Mais ils ne veulent pas d'une force collective qui soit de nature à les contester. Or, l'islam est une force organisatrice collective. Donc comment faire pour avoir la société cosmopolite sans avoir un concurrent communautaire? C'est toute l'équation qui s'oppose aux juifs. Et les juifs ont une solution, c'est d'utiliser la laïcité, qui est un truc hérité du début du XXe siècle, la privatiser communautairement et taper sur les musulmans avec. En gros, c'est ça, hein, ce qui se passe aujourd'hui en France. Et ils ont mis la pression à Macron. Ils ont dit, Macron, il faut parler. Il faut parler, il faut un programme, il faut y aller, etc. Et Macron, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ils n'arrêtaient pas de le tancer. Si vous lisez la presse attentivement, vous voyez, il y avait sans arrêt des... Macron recevait des coups dans les tibias sans arrêt. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce que t'attends? L'islamisme, le truc. Les juifs revenaient constamment à l'attaque. Puis Macron, avec la mort, il y a eu quelques attentats bien sûr, mais avec la mort de Paty, il a été obligé de réagir parce que la pression est venue de l'intérieur de l'État. Donc en fait, tant que c'était des Français qui se faisaient assassiner dans les rues, en gros, journalistes autorité n'en avait strictement rien à foutre. Parce qu'il faut quand même que les Français comprennent ça. Je veux dire, d'accord, si vous ne faites pas partie du système, si vous n'êtes pas un haut fonctionnaire, le fils d'un haut fonctionnaire, le fils d'une huile, vous pouvez vous faire égorger, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Je vous explique le fonctionnement de la République française. Mais quand ils ont touché à Paty, là, il y a eu un effet domino. Tout d'un coup, tous les petits profs charlistes ont commencé à souiller leurs caleçons, et avec eux, évidemment, par effet d'entraînement, les inspecteurs d'académie, les recteurs, le ministère, et comme je l'ai dit un petit peu avant dans l'émission, le ministère de l'Éducation nationale est central dans l'organisation du pouvoir politique en France, historiquement. Donc là, Macron est obligé de réagir. Mais, et c'était ça un petit peu le but de ma question rhétorique, c'était, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien. Parce que s'il faut agir, il faudrait lutter totalement contre les musulmans. Pas seulement en arrêter 2-3, il faudrait commencer à expulser des millions de musulmans de France. Parce que si vous voulez résoudre le problème, c'est là que ça se joue, hein. Faut pas se payer de mots. Or, ça télescope totalement l'agenda des élites. Il y a 10 millions de musulmans en France aujourd'hui, c'est ce qu'il a reconnu d'ailleurs récemment Macron dans une interview, il a dit voilà, j'ai 10 millions de compatriotes de l'autre côté de la Méditerranée, bon, de l'autre côté de la Méditerranée, vous savez ce qui se trouve, hein. Bon, il y en a 10 millions, dans 20 ans, ils seront 20, et c'est voulu, donc, vous voyez, il y a ces contradictions là, voilà, donc en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tous ces profs de gauche, tous ces charlistes, tous ces boomers, laïcars, etc., ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et ce qu'un journal comme Marianne n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Ils sont en trop. Voilà. Ils ont fait leur office pour liquider la France traditionnelle dans les années 70, 80, avec Mitterrand. Voilà, le boulot est fait, d'accord, l'écarissage est fait. Bon, bah maintenant, c'est eux dont il faut se débarrasser. Parce qu'ils ont encore des atavismes blancs. Voilà. Donc, c'est pour ça que Macron n'en fera jamais trop. Ni en leur faveur, mais ni même pour les musulmans. Il sera toujours, toujours prudent. Voilà. Mais grosso modo, la tendance, elle est là. Et voilà. Et bon, personne n'appelle vraiment un chat, je trouve. Regarde les débats. Voilà, enfin, je veux dire, on parle toujours, ouais, les musulmans, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais c'est pas important ce que sont les musulmans, il y en a de plus en plus, donc ils seront musulmans. La question, c'est quelle est la vraie attitude des pouvoirs publics en France aujourd'hui ? Quelle est l'attitude du ministère de l'Intérieur ? La véritable attitude par ses actes, pas par ses déclarations, par ses actes. Quelle est l'attitude des rectorats en France ? Par les actes, pas par les déclarations, les actes. Quand vous regardez les actes, vous voyez qu'il y a un autre film qui est en train de se dérouler, qui n'a rien à voir avec ce qu'il déclare par ailleurs. Voilà. Bon, je suis un peu long, mais c'est ce que m'inspire cette histoire de Grenoble. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a des profs qui vont se faire buter, quoi. Oh, c'est triste. Bah oui, non, bah voilà, c'est ça, c'est clair, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Bon, mais c'était les mêmes qui défilaient contre le Front National en 2002. Hein. C'est tous autant qu'ils sont, hein, je veux dire. Et si vous écoutez d'ailleurs ce mec là qui est en train de pleurer là dans Marianne, le mec est un prof d'allemand antifasciste, antiraciste, qui chiale sur les juifs, quoi, d'accord. Bon, excusez-moi, s'il n'y a pas Nuremberg, il n'y a pas ce qui se passe maintenant. Le mec, c'est gratinaire. Il explique que les juifs sont haïs depuis 2000 ans, mais c'est pas de leur faute. ce à quoi les musulmans pourraient répondre, on haït depuis 2000 ans et c'est pas de notre faute. Bon, vous me direz, l'islam, c'est plus de 13 siècles, mais Jamel Debbouze a dit que l'islam était en Europe depuis 3000 ans. Sachant que bientôt, contester la parole d'un arabe sera un crime, donc effectivement... Ou d'une femme, comme tu l'as remarqué, là, je sais pas si t'as vu. Oui, Ça, c'était génial. Alors, vous avez vu, il y a le CNRS qui est monté au créneau. Je vais juste souligner ça quand même et je vous donne la parole. Donc il y a la nana, vous savez, dans toute l'embrouille, là, voilà, t'aimes les bougnoules ou t'aimes pas les bougnoules, parce que c'était, au fond, c'est ça la question. Il y a la Claire en question qui se plaint. Tu sais, elle va chialer, je suis une femme. Tu sais, elle dit, au secours, j'ai une chatte. Et elle va chialer chez une autre femme, au CNRS. Alors, la chatte du CNRS dit, ah bah attends, elle a une chatte, donc elle a raison. Et quand vous regardez le propos qu'elle écrit, elle dit, non mais ce qu'elle dit, c'est scientifique. Alors qu'en fait, non, c'est une opinion. C'est juste, c'est son opinion à elle, quoi. Mais maintenant, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que tous ces enculés d'universitaires d'extrême-gauche décrètent que leur folie collective, c'est de la science dure. C'est de la science dure. Si tu dis, votre truc, là, excusez-moi, c'est un peu bancal, ils te disent, non, c'est de la science dure, et si vous le contestez, c'est une agression. C'est le terme utilisé, hein. C'est une agression, voire même, c'est implicite dans le propos, c'est une agression à caractère sexuel. Parce que c'est une femme. Non, mais c'est ahurissant, mais je veux dire, cet asile-là, parce qu'on pourrait se dire, ouais, non, mais d'accord, mais là, c'est des fous, ils sont dans leur coin, on trouve ça qu'à Grenoble. Mais pas du tout! Mais pas du tout! C'est partout, c'est généralisé. C'est à Paris, c'est à Lyon, c'est à Strasbourg, c'est généralisé. Le cancer est partout. Ces gens-là sont déjà partout. Ils produisent des rapports pour les administrations, pour commander des politiques publiques, pour décider de financement, etc. C'est de la folie furieuse, mais c'est ça, c'est des gens comme ça, c'est des cinglés comme ça, des lesbiennes totalement folles. Et on arrive à des trucs très drôles. Je vous donne la parole, hein, mais à un moment, il est cité aussi dans l'article, Caroline Fourès, qui est une lesbienne folle. Hein. Et on arrive à un truc complètement fou, où c'est une lutte entre lesbiennes, en fait. C'est complètement fou. Mais t'as les lesbiennes Leicard, et puis t'as les lesbiennes pro-bougnoules, quoi. Tu vois, je te dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux dire, c'est, voilà. Ah, c'est le combat d'autiste, hein. C'est caricatural, il y a tout. Il y a le féminisme, il y a l'antiracisme, il y a l'antisémitisme. Toutes les folies, les lubies de ce système, là, ils sont... Ah, pour l'instant, les musulmans n'ont pas embrayé dans le truc, donc on va attendre de voir, mais de toute façon, ça, si c'est pas cette fois-là, ça sera une autre. Hein. Mais vous savez, Grenoble, c'est une mairie écolo-marxiste, maintenant. Enfin, depuis déjà plusieurs années, c'est Lyon qui a été conquis par les écolo-marxistes, maintenant, avec Grégory Doucet. Hein. Mais c'est Piolle, hein, le maire de Grenoble. Hein. Donc la ville est complètement... Alors, Grenoble, c'est tout à fait particulier. Elle est située dans un endroit... c'est magnifique. Vous voyez les montagnes, les Alpes, c'est très beau. Mais la ville est totalement souillée par l'immigration nord-africaine. Et maintenant, c'est un bastion écolo-marxiste. Hein, avec le fameux Piolle, qui essaye de mettre en place toutes ces mesures complètement folles, notamment... l'interdiction de la viande à la cantine au motif qu'il fait trop chaud, vous savez. Il fait trop chaud. Qui est un monument d'islamo-gauchisme, pour le coup. Hein. C'est-à-dire, on fait du végétarisme, mais en même temps, on caresse les bougnoules dans le sens du poil. Ben c'est ça, oui, parce que ça... Ben regardez, quand je disais que toutes les semaines, maintenant, il y a une polémique plus ou moins liée à l'islam, et à l'immigration, évidemment, indirectement, il y a 10 jours, tout le monde s'est écharpé sur les menus sans viande obligatoires. Je ne sais plus si c'était à Lyon ou à Grenoble, enfin, c'est plus ou moins la même chose, peu importe. De toute façon, si c'est à Lyon, ça sera bientôt à Grenoble ou inversement. Je crois que c'était à Lyon pour le coup. Mais il y avait, comment dirais-je, je ne sais plus qui a sorti ça, c'était une négresse. Et la négresse a dit « Les repas végétariens, c'est le meilleur compromis républicain possible. » C'est-à-dire, en gros, il y a tellement de bougnoules, écoute, coco, si t'as pas envie de bouffer halal, c'est la seule solution qui te reste. C'est un monument de la vérité. Hein. Ça tombe bien, on va bientôt manger des cafards avec Bill Gates qui encourage à ça, donc parfait. Alors, les blancs mangeant des cafards, pas les musulmans, c'est pas halal. Bah, si j'égorge le cafard en direction de la Mecque. Une petite chose quand même sur Samuel Paty, quand il était mort, il y a eu aussi une loi dite contre le séparatisme, etc., qui visait soi-disant les musulmans, mais en réalité, qui a permis ou qui vise en tout cas à renforcer encore le pouvoir de l'État, notamment concernant les écoles libres et les écoles à la maison et les écoles hors contrat, plus exactement. Ouais, on avait parlé de ça, que effectivement cette législation antiséparatiste en fait allait surtout viser les blancs en dernière instance. Oui, puis le pouvoir de l'État, ça fait rire, parce que quand vous regardez, là, tout d'un coup, là, il y a toute une série de villes où on crame des bagnoles. Bon, ça n'a rien d'un scoop, hein, ça fait 50 ans qu'ils crament des bagnoles. Donc, tout le monde feint d'être surpris, mon Dieu, au secours, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien, non, il se passe rien. Voilà, vous avez des bougnoules en France, les bougnoules font les bougnoules, il y a des bagnoles qui crament. Voilà, bon, c'est vu et revu depuis des décennies et des décennies. Au bout d'un moment, si vous voulez, moi, j'en veux si, à cette presse putaclic de droite, en fait, qui essaye d'en faire un événement. Non, ce n'est pas un événement, c'est pas du tout un événement. Tous ceux qui sont nés en France ces 40 dernières années sont totalement accoutumés au fait que les bougnoules crament des bagnoles. C'est un non-événement. Voilà. Donc quand vous voyez les médias essayer d'en faire un événement, c'est qu'ils sont en train de se foutre de votre gueule. Donc je citerai CNews, bien sûr, BFM TV et d'autres. Mais comment dire... Non, c'est un non-événement. On est au milieu des bougnoules, et c'est ça qu'on n'explique pas aux gens, précisément. C'est que... C'est pas exceptionnel, c'est ça que je veux dire. En essayant de faire croire que ce que nous vivons est exceptionnel, ça laisse sous-entendre qu'il y a une solution immédiate pour résoudre tous ces problèmes. Or, comme je l'ai dit, ça fait des décennies qu'il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution. Dans une démocratie, comme vous l'avez compris, en République, quoi. Et donc, c'est un non-événement. Donc, ce qu'il faudrait expliquer aux gens, et qui serait vraiment révolutionnaire, c'est de leur dire, les bougnoules crament des bagnoles, c'est totalement normal, les bougnoules crameront toujours des bagnoles dans votre pays. Ils commettront aussi toujours des attentats, ils essaieront aussi toujours de convertir de force vos enfants. Voilà, ça c'est là, ça fait partie, comment dirais-je, des impondérables d'une vie en société avec des musulmans. Voilà, ça ne changera jamais. En tout cas, tant qu'il y aura des musulmans. Voilà, ça sera un discours révolutionnaire. Mais c'est pas ce qu'on explique aux gens. On leur dit, voilà, il s'est passé ci, ça, ce, à tel quartier, etc. Mon Dieu, que se passe-t-il? Oh, on comprend pas. Pourtant, on a investi massivement en politique de la ville. On a complètement rénové le quartier. Qu'arrive-t-il? Ouais, bon. Au secours, quoi. Quand les Algériens gagnent un match de foot, quand l'équipe d'Algérie gagne, ça crame des bagnoles. Quand ils perdent, ça crame des bagnoles. Bon, tout est dit, quoi. Et à côté de ça, le gouvernement, bon, bah, gare aux islamophobes. Bah tu vois, j'ai pas étudié l'arabe dialectal du bled algérien, mais je comprends totalement leur langue. Tu vois, je comprends. Tu vois, je comprends. Sans... Tu vois, ils crament une bagnole, je comprends. Ils crament une sans bagnole. Ouais, voilà, je comprends. Je comprends totalement leur langage. Tu vois. C'est une race qui gère mal leurs émotions, en fait. Donc, il y a un excès de joie, il y a un excès de tristesse, ça crame des bagnoles. Ils en sont encore c'est à cause du colonialisme, ça. C'est de la faute de la France qui a colonisé jusqu'en 1962. Tout à fait. Bon, non, mais on va enlever quelques rues et statues du général Bugeaud, tout ira mieux. Alors moi perso, pour conclure, moi ce que je pense, ouais. Moi je suis un accélérationniste convaincu. Je pense qu'il n'y a plus que ça. Je veux des Samuel Paty partout. Hein, je parle de décapitation. Je veux Daesh. Je voudrais un jour voir Boko Haram également œuvrer sur l'Europe, en France. Hein. Moi je suis pour ça, un max de mort. Je veux acculer au maximum le français et son gouvernement. Au bout du bout, quoi, que ça réagisse, parce que le français, on a légitimement plein le cul. Le gouvernement est concentré uniquement à dépenser de l'énergie pour lui dire gare l'islamophobie. En fait, on peut plus en sortir, et c'est que des quérulences de féministes, de gauchias, de politicards qui ne connaissent pas la couleur d'un islamophobe ni même d'un musulman. Ils sont là à débattre, oui, islamophobie, pas islamophobie, si on a dit ci ou si on a dit ça. On n'en voit pas le bout, en fait. Alors que, comme on vient de le dire, ça crame des bagnoles pour rien, pour un nom, déjà depuis très longtemps. Maintenant, t'as des attentats, maintenant, t'as ci, t'as ça. Enfin, ils essaient de gagner du temps, on sait pas jusqu'où ça va, donc il faut accélérer les choses, en fait, parce que je dis ça, c'est désespérant. Hein. Non, mais enfin, je pense que tu vas être satisfait, hein. Parce que clairement, le projet entre la chèvre et le chou, c'est-à-dire entre les laïcars et les pro-musulmans, je pense qu'ils ont choisi les musulmans, donc tu devrais t'exaucer bientôt. Hein. Bon, bah, on verra. Merlin, je suis désolé, mais on en revient à ce que j'ai développé au début de l'émission. À chaque fois, on a toujours le même échange politique, Sciences Po, médias, blabla, blabla, blabla, blabla. Je crois qu'il est temps que le système glisse vers toutes les personnes qui, dans ce pays, sont à la tête des unités de production. Et le jour où ces gens-là vont dire « Maintenant, le cirque, il est terminé », j'aime autant te dire que ça va changer très rapidement. Essaye d'imaginer que demain, tu n'as plus un seul ingénieur qui décide de travailler dans les centrales nucléaires, qui les fout toutes à l'arrêt en disant « Bon, bah, écoutez, maintenant, vos conneries, c'est terminé, on dégage, on remet des mecs aux frontières, on a une garde frontière et tous les gars qui sont illégaux dans ce pays dégagent. » J'aime autant te dire que là, nos petits copains, que ce soit à Matignon, à l'Élysée, quai de Bercy, dans les universités ou ailleurs, ils ferment leur gueule. Parce que comme ils n'auront pas leur électricité pour pouvoir jouer le soir à touche pipi avec madame ou à leur petit jeu électronique, ils vont vite comprendre. Et ne comptons pas sur la défense nationale pour envoyer des ingénieurs redémarrer les réacteurs. Parce que là, je paye pour voir le résultat. Hein. J'approuve totalement, par contre. Bah, si on pouvait procéder ainsi avant d'en arriver à l'échéance ultime, carrément. Moi, j'approuve, mais je ne crois pas. Non, sincèrement, Poro, je crois que le gros problème, c'est que personne ne se rend compte. C'est même plus une différenciation. On est arrivé à un gouffre, mais qui est digne des abysses océaniques entre les ingénieurs, c'est-à-dire les gens qui produisent, les gens qui créent, les gens qui inventent, et toute cette espèce de ramassis de merde humaine qui ne produisent rien, qui ne sont même pas capables, ce sont tous des assistés sociaux, mais des beaux parleurs. Ces gens ne produisent rien, ce sont des incapables finis. Non, c'est pire que ça, ils détruisent. Un type de Sciences Po devant un moteur diesel, le gars est mort. Et les gens ne comprennent pas que pour l'instant, il y a un gouffre extraordinaire entre les gens qui veulent produire et qui sont quelque part l'élite de ce pays et cette espèce de chienlit de bâtard attardé qui n'ont, on n'en a strictement rien à foutre. Le jour, ça ne sert à rien d'avoir des gilets jaunes dans la rue, le jour où l'élite productiviste de ce pays décide de lever le pied, de se croiser les bras et de dire « démerdez-vous », là, j'aime autant vous dire qu'ils vont commencer à sérieusement pédaler dans la semoule. Non, pour moi, tu rêves, ça se fera pas. C'est comme le mythe de la grève. Tous les ouvriers, producteurs vont se fédérer et puis bloquer les usines. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, parce que les mecs se fédèrent jamais. Donc, moi, je n'y crois pas du tout. Utopie totale. Imagine pas le niveau de ras-le-bol, hein. Disons que le problème, c'est que l'EDF est surtout contrôlé par des gens qui ne sont pas du tout de nos idées, en réalité. Hein. Donc c'est surtout ça, déjà. Ils sont déjà beaucoup plus proches du Parti communiste et de la CGT. Donc ça joue pas nécessairement. Donc en fait, comment dire... puis ils sont totalement dépendants ces gens, leur sort dépend de la, comment dirais-je, de la capacité de l'État à honorer ses dettes. Donc ils ne vont pas créer d'eux-mêmes une crise qui, surtout en ce moment, empêcherait l'État français d'honorer, enfin de pouvoir lever, comment dirais-je, des dettes sur les marchés internationaux, donc de payer leur salaire. Donc ce sont des gens qui ne vont pas se tirer une balle dans le pied, entre guillemets. Ce qui peut arriver par ailleurs n'arrivera pas. Donc donc de deux choses l'une, donc ces secteurs stratégiques sont aux mains d'une structure, la CGT ou les syndicats cooptés par l'État, qui sont de toute façon totalement acquis à la cause de l'État et de ses dirigeants. Et deuxièmement, pour des raisons purement corporatistes, ils n'ont bien évidemment aucune envie de précipiter la catastrophe. Hein. Mais cette catastrophe arrivera nonobstant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et on le voit, hein, on le sent. Hein. Voilà, bon, on en parle tout le temps. On le décrit ici, petit à petit, semaine après semaine, mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Mais le pourrissement de ce qu'on appelle les élites, très abusivement. Alors, il y a élite et élite, attention. Hein. Parce qu'évidemment, il y a les élites économiques. Puis, il y a les fausses élites, les vraies élites. Il y a les élites organiques, les véritables élites. C'est ce que citait un petit peu Diabolix, quoi. Les élites organiques, les ingénieurs, les gens qui sont productifs, brillants, sans lesquels le pays ne pourrait pas fonctionner. Donc ça, c'est les élites réelles. Puis ensuite, les élites institutionnelles, donc les élites autoproclamées. Celles qui ont un statut, qui peuvent parfois avoir eu l'intelligence hein, de se mouvoir dans un système pour parvenir au sommet, donc qui ne sont pas à titre individuel dénués de qualité, mais qui collectivement sont une masse totalement improductive, voire même une masse cancéreuse. Hein. Donc il faut faire le tri avec le mot élite, mais disons que le sommet de la pyramide aujourd'hui est totalement incompétent. C'est plus qu'incompétent d'ailleurs, on précipite la chute. Voilà, et donc le pourrissement progresse et rien ne le stoppe. Hein. C'est ça que cette histoire explique en fait. Voilà, par le petit bout de la lorgnette, mais c'est ça que cette histoire explique. Le pourrissement. D'accord ? La bougnoulisation, donc la fin de la queue de la comète de la gauche française après deux siècles. Voilà, elle est en train de finir, voilà, et elle va échouer dans les méandres de l'islam, parce qu'au fond, la théorie égalitariste de la gauche est très proche de la théorie islamique, hein. Il y a très peu de choses qui les distinguent, ils sont faits pour s'entendre, je pense, et voilà, et donc, bon... Mais on assiste à une mutation générationnelle aussi, c'est pour ça que je voulais insister sur cette histoire qui est tout sauf anecdotique, c'est que 50 ans après mai 68, cette nouvelle génération de gauchistes qui émerge récuse totalement l'héritage de 68 par bien des aspects, et notamment sur la question, effectivement, de la religion, etc. Et là, il prépare le terrain à quelque chose de nouveau qui émerge et qui est clairement la montée en puissance de l'islam pur et dur. Quoi. Voilà. Ça c'est face à nous. Ce sont des facilitateurs d'extrême gauche, et qui vont évincer les vieux de l'archéo-gauche qui nous ont harcelés pendant 50 ans, parce que c'est ça en fait. Voilà. Donc ils sont en train de se faire virer par des gens plus radicaux qu'eux. C'est la morale de l'histoire. Et même bientôt exécutés. Bientôt exécutés. C'est pour ça qu'on fout leurs affiches sur la tête, sur les murs. Quoi. Alors, l'affiche de leur tête sur les murs. Ah oui, typiquement, oui, c'est des auxiliaires des islamistes. Hein. Eux, ils mettent les affiches et les islamistes plantent les têtes à la place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un obscurantisme qui en chasse un autre. Hein, c'est... Parce que c'est eux, ils présentent, enfin, d'après le débat, ce qu'on a vu d'après l'article, on a l'impression d'un asile de fous. Donc c'est des propos clairement qui relèvent de la psychiatrie. Mais eux accusent leurs adversaires, ceux qu'ils pensent être leurs adversaires, de psychiatrie justement. Hein, je vais pas citer trop d'exemples, mais il y a qu'à voir évidemment les gens qui sont fact-checkés ou les bon, eux sont accusés d'être des cinglés quoi. Bon, je dis pas que par exemple que QAnon a raison ou quoi que ce soit, mais je veux dire eux ils ont systématiquement le truc de dire ah, tiens ça c'est une secte, ça c'est comme le fait d'ailleurs le citoyen Conspiracy Watch, notamment Tristan Madescence et tout ça, de traquer, soi-disant, les gens qui seraient sectaires et n'ayant pas compris, ou faisant comme s'ils ne comprenaient pas le fait que eux aussi ont une belle couche d'obscurantisme. Oui, enfin, c'est surtout qu'ils vont surtout bientôt se faire traquer. C'est-à-dire que, tu vois, à traquer ennemi. Donc, ces mecs-là, tu vois, ils traquent, effectivement, le complotisme, etc. Mais un jour, ils vont traquer le mauvais client. Ils vont traquer le mauvais client. Ils vont traquer un type, tu vois, qui aura des accointances avec les musulmans, tu vois. Et ça va, et ils vont pas en rester au niveau théorique. Ils vont passer aux travaux pratiques. Et ça va très mal se passer. C'est ça qui se profile à l'horizon, tu vois. Et Je vais peut-être bien me convertir, moi. Voilà, frère. J'ai des islamophobes. Son Coran de la Mecque. Je te jure. Son Coran de la Mecque. Oh là là. Alors, rubrique numéro 2, Charia Hebdo, mais c'est dans la continuité, je l'apporte, hein, simplement. Je vous donne ça quand même à titre informatif et aussi pour nos auditeurs. Mais c'est vraiment dans la continuité. D'ailleurs, ça fait un peu parler, mais pas tellement. Je trouve ça assez révélateur, d'ailleurs. À la fois, qui a commandité le sondage? C'est la LICRA, en fait. On en a parlé, mais très vite évacué. Ce qui en dit long aussi. Alors, le sondage qui, justement, évoque cette rupture générationnelle, pour le dire pudiquement, en fait, c'est la rupture raciale, hein, évidemment, la France est repeuplée d'afro-musulmans, donc, au bout d'un moment, il y a des conséquences, et voici ce que nous dit ce sondage. Un nouveau sondage publié ce mercredi 3 mars confirme l'existence d'une fracture générationnelle. Les lycéens s'y révèlent, au contraire, du reste de la population française, donc du gros des plus âgés, quoi. Ouvert à l'expression de la religiosité dans l'espace public et majoritairement hostile à la liberté de critique des religions. D'accord ? En novembre dernier, notre sondage exclusif réalisé avec l'IFOP révélait que les jeunes de 18 à 30 ans se positionnaient en rupture avec le reste de la population française sur un certain nombre de sujets clés, laïcité, rapport aux religieux, liberté d'expression. Cette fois-ci, l'Institut de Pignon réduit la focale en se concentrant sur les lycéens, donc les plus jeunes, hein, dans une étude menée auprès d'un échantillon de 1006 élèves âgés de 15 à 17 ans, réalisée pour le magazine de la LICRA Droit de Vivre, publié ce mercredi 3 mars. Les résultats de ce sondage en continuité avec ceux d'il y a 3 sont en continuité avec ceux d'il y a 3 mois, confirment que la population scolarisée dans le second cycle du second degré apparaît imprégné d'une vision très inclusive de la laïcité dans laquelle celle-ci est réduite au principe de neutralité de l'État, tout en étant associée à une grande tolérance à l'égard des manifestations de religiosité dans l'espace scolaire. Autre fait saillant relevé par l'IFOP, ces jeunes, et tout particulièrement les lycéens musulmans et ou scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire, se distinguent aussi par leur hostilité à toute critique susceptible de heurter la susceptibilité des minorités. Une courte majorité de lycéens se déclare désormais favorable au fait d'autoriser le port de signes religieux ostensibles dans les lycées, à 52%, et même dans les collèges, à 50%. Une perspective à laquelle s'opposent pourtant trois quarts de l'ensemble des Français, donc ça c'est le gros de la population, hein. Parmi les facteurs de différenciation entre lycéens, deux se détachent, comme dans l'ensemble du sondage, la religion et le type d'établissement fréquenté. En effet, l'abrogation de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, enfin, l'interdiction des signes religieux à l'école, est plébiscité par les lycéens musulmans à 88% pour le lycée, 86% pour le collège, et les élèves des lycées classés en zone éducation prioritaire. Pour François Kraus, directeur du pôle politique actualité au département opinion de l'IFOP, ces résultats ne peuvent que provoquer des doutes sur la pérennité de la loi de 2004, son assise politique ne pouvant que s'effriter au fil des années en raison du poids croissant des musulmans en France, mais aussi d'une forme, je cite, « d'américanisation des mentalités qui fait de l'acceptation des expressions religieuses dans l'espace scolaire un marqueur générationnel. Cette évolution se traduit par une forte proportion de jeunes, 38% dont 76% chez les musulmans. » Attention, il n'y a pas que les musulmans, hein, c'est 38% chez les autres, les non-musulmans. Attention, hein, il y a un effet d'entraînement. « Favorable à l'autorisation du burkini pour les collégiennes et les lycéennes, ainsi qu'à l'introduction d'une loi autorisant des horaires réservés aux femmes dans les piscines municipales. » 37%, 37% pour les non-musulmans, 80% chez les musulmans. Signe de cette vision très accommodante envers les religions, les lycéens définissent majoritairement à 29% la laïcité comme un principe lénifiant, permettant avant tout de mettre toutes les religions sur un plan d'égalité. Et seuls 11% défendent une conception plus stricte, c'est-à-dire faire reculer l'influence des religions dans notre société. Signe que la perception des jeunes de la laïcité est imparfaite, entre guillemets, hein, ou plus sûrement que les divers discours publics à ce sujet brouillent son image, 37% des lycéens estiment que les lois laïques en France sont discriminatoires envers les musulmans. Au total, 43% des lycéens jugent la laïcité discriminatoire envers au moins une religion, une proportion qui s'élève à 89% chez les jeunes pratiquants de l'islam. Plus inquiétant encore, l'IFOP révèle que les principes républicains de la liberté d'expression et de critique de la religion sont très inégalement partagés au sein de la jeunesse française. Ainsi, une majorité de lycéens, à 52%, se déclare défavorable au droit de critiquer, même de manière outrageante, une croyance, un symbole ou un dogme religieux. Une proportion qui atteint 70% chez les musulmans et 64% chez les jeunes scolarisés en zone d'éducation prioritaire. Mais touche également d'autres catégories, 49% chez les athées et 45% chez les catholiques. Soulignons que ces résultats ne sont pas uniquement affaire de génération, puisque le droit de critiquer les religions est remis en cause par près de la moitié de la population française d'après les précédentes études de l'IFOP. Interrogé sur le choix de Samuel Paty, enseignant assassiné par un islamiste... On passe sur l'affaire de Paty, c'est pas important. Alors, messieurs, des chiffres bruts, hein, mais là on est chez les très jeunes, on est chez les 15-18 ans... Une majorité des adolescents aujourd'hui en France est pour le port des signes religieux. Alors, évidemment, vous avez compris, ce n'est pas la croix, bien sûr, hein, on parle des signes religieux musulmans. Voilà, ça c'est clair. Et la critique de la religion musulmane, interdite dans l'espace public, plébiscitée massivement aussi par les musulmans, mais pas uniquement, aussi par tous les blancs bougnoulisés des lycées de France. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? C'est dans la continuité de notre discussion qu'on avait, mais quand même, on voit quelque chose émerger là. Je pense qu'on ne peut pas trop le nier. Bah, moi, j'ai envie de dire, bizarrement, l'islamisation, au bout d'un moment, ça islamise le pays, quoi. Enfin, bizarrement. C'est vrai, c'est surprenant. Il y aurait un rapport entre l'islam et l'islam. Je suis pas sûr, mais c'est possible. C'est une théorie intéressante. Hein. Peut-être une théorie conspirationniste. Y aurait-il un rapport entre l'islam et l'immigration, peut-être? Je ne sais pas. Oh là, oh là, pas trop vite, pas trop vite. Pas trop vite, pas trop vite, peut-être. Pas trop vite. Un rapport entre l'islam et le Coran, peut-être. Je sais pas, il faudrait demander à des spécialistes. Oui, on va attendre un peu encore, je pense, avant de se prononcer, parce que c'est un sujet un petit peu... Ça pourrait être exploité par l'extrême droite. Oh là, oh là. Ça pourrait être exploité par l'extrême droite. Donc. Moi, je dis prudence. Le plus important, c'est de pas se faire traiter de raciste, en premier lieu. Et puis on a quand même pas envie non plus d'alimenter les fantasmes sur l'idée que peut-être un jour des musulmans iraient égorger des Français au coin de la rue. Je veux dire, ce serait quand même... Bon, voilà, gardons les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Diabolix, gardons-nous d'être antisémites, quoi qu'il arrive. En fait, tu parles de musulmans qui iraient égorger les Français. Je te conseille de faire un tour sur les réseaux sociaux et d'écouter les discours des jeunes Français de souche, j'insiste bien, oui, oui, qui se sont convertis à l'islam. Avant, on te parlait de plus catholique pape. Ben, là, mon ami, j'aime autant te dire que c'est assez surprenant. Hein. Ces gars-là, quand tu les écoutes, ils sont à enfermer dans de jolies petites chambres capitonnées, et à traiter de manière radicale. Parce que j'aime autant vous dire que les gugus qui se sont payés le Bataclan, ça va être vachement soft à côté de ces timbrés-là. C'est normal, hein, converti, il surjoue pour donner le change. Hein, je ne suis pas étonné du tout. Hein. Enfin bon, nous avons affaire à un mouvement de fond, hein, je veux dire, voilà, donc... Bon, je suis obligé de le dire pour nos auditeurs. Donc le combat, parce que je vois ça, profitons de ce sondage en fait pour mettre un petit peu à plat les choses. Je lis comme tout le monde, hein, Valeurs Actuelles, Le Figaro, je suis... des gens avec parfois des articles qui sont pas inintéressants, je veux dire, au plan factuel, hein, ou des opinions qui sont intéressantes, qui sont pertinentes. L'Institut des Libertés de Charles Gave, vous voyez, c'est un gentilhomme tout à fait respectable, Charles Gave, c'est pas le sujet. Mais ces gens véhiculent une inquiétude en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ?» etc. Et en fait, tout ça est très bien au plan intellectuel, hein, de dire « Mais comment en sommes-nous venus là? Jusqu'où ça va aller ?» etc. Ce n'est pas pertinent, si vous voulez. Nous avons dépassé ce stade-là, complètement. Regardez chez les plus jeunes l'état du rapport de force culturel idéologique. Dans ce sondage, qu'est-ce qu'on apprend? C'est un sondage de la LICRA, d'accord. Ça, j'aime bien ce genre de sondage, parce que ce sont des sondages qui viennent, j'allais dire, de nos ennemis les plus radicaux. Hein. La LICRA est une organisation juive liée à l'État d'Israël. Donc ce ne sont pas des gens qui ont envie de nous caresser dans le sens du poil, très clairement. Ils n'ont pas envie de nous donner du grain à moudre. Mais comme je l'ai dit aussi, ils sont inquiets de la montée en puissance de communautés concurrentes. Mais si vous lisez l'étude dans le détail de ce sondage, vous découvrez qu'ils ont fait entrer un critère très intéressant, ce qu'ils appellent les personnes perçues comme blanches, parce qu'il faut bien présenter le truc de manière politiquement correcte, somme toute. Mais en gros, ils voulaient dire... Bon, dans les réponses qui sont formulées, qu'est-ce que disent les jeunes blancs et qu'est-ce que disent les bougnoules et les nègres, en gros. Et c'était tout à fait intéressant parce que, certes, les blancs étaient encore majoritaires, mais d'une courte majorité. Majoritaires à défendre la conception à l'ancienne de la laïcité, d'ailleurs, qui est derrière une conception de gauche, je veux dire, c'est même pas une victoire en soi, quoi. C'est les idées de gauche d'hier, d'accord ? Mais il y avait quand même encore un décalage. Mais il y avait beaucoup de blancs qui étaient acquis déjà au nouveau rapport de force culturel. Donc, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. C'est un nouveau mai 68. C'est pas un mai 68 de droite. Hein. C'est pas un mai 68 identitaire au sens droitiste du terme. Il est identitaire, ce mai 68, mais il est... pas dans le sens où on pourrait le comprendre. C'est un mai 68 afro-musulman. On est en train de vivre un mai 68 afro-musulman. D'accord ? Donc, le basculement est en train de s'opérer pour les 50 prochaines années. Ouais, je me projette, hein. Pour les 50 prochaines années. De la même façon que mai 68 a annoncé le développement pour les 50 années suivantes, maintenant, ce basculement qu'on voit, il annonce la suite pour les 50 années suivantes. Inutile de dire ce que ça implique sur toute une série de questions. Des choses aussi triviales que ce qu'on peut manger, quand et où, comment on peut se déplacer et avec qui peut-on fréquenter et comment, quel type de musique peut-on écouter et où, etc., etc., quelle littérature. Vous comprenez, donc ça c'est en mouvement, c'est maintenant, c'est tout de suite, et là je m'interroge avec vous, hein, mais quand vous voyez les dispositions autoritaires qui sont prises par le gouvernement actuel, ça me rappelle un peu ce que faisaient les tagolistes avant de crever au profit du mitterrandisme. Toutes ces mesures qui sont en train d'adopter, dites-vous bien qu'un jour ça pourrait très bien tomber entre les mains de la diversité, des Assa Traoré, etc. Qui nous dit que demain Assa Traoré ne sera pas élu député? Qui nous dit que demain Assa Traoré ne sera pas élu député? Moi je vous dis qu'un jour il est fort probable qu'elle soit élue députée. Je pense que la France Insoumise, si les tacticiens de la France Insoumise ne sont pas idiots, ils essaieront de faire élire Assa Traoré. Vous aurez une cannibale malienne dans l'hémicycle. La dégénérescence de la France va aller jusqu'au bout. Il faut avoir de la suite dans les idées. C'est ce que nous annonce ce sondage. Donc attention à ce qui est en train de se produire. Donc les gens qui vous disent, ouais, les élections, le truc, le machin, non, c'est foutu, ok, les universités, c'est foutu. Tout ce qui a un caractère public, c'est foutu. Les métropoles, c'est foutu. Il faut changer totalement de cadre de réflexion. Est-ce que la Gay Pride, ce sera foutu aussi? Oui, et je l'espère. Et j'invite mes amis musulmans à faire valoir, comment dirais-je, leurs droits culturels sur cette question. Parce qu'après tout, ils n'ont pas à se faire provoquer par des suprémacistes gays dans leur rue. Moi, je trouve ça scandaleux. Voilà. Donc, je tends une main fraternelle à mes amis musulmans pour dire que les fiottes n'ont pas à les provoquer au pied de leur rue. C'est scandaleux. Voilà. Les féministes, pareil, je crois. Et... Oui, aussi, oui. Il y a quand même une matière à l'université qui pourrait avoir de l'avenir, c'est la théologie, mais plutôt la théologie musulmane. Parce que je crois qu'en Arabie Saoudite, les gens qui ont un diplôme sont au-delà des trois quarts, c'est des diplômes de théologie musulmane. Bon, je ne sais pas si ça servira pour aller ensuite à Starbucks travailler, j'en sais rien. Bah, non, mais c'est pas grave, tu seras savant. Parce qu'il y a l'obscurantisme des savants grecs, ensuite de Newton, etc. Il est dangereux, hein. Donc oui, c'est vrai, comme tu dis, bah, on pourra peut-être avoir des cours obligatoires de Coran dès l'école primaire pour tous les élèves, hein, même y compris ceux qui seront encore français de souche. Et puis, il ne faudra pas non plus enseigner des sciences qui télescoperaient le savoir islamique, hein, sûr. Ah non, mais on va faire face à une vague au sens strict, là. Pour reprendre un peu une théorie, un peu, vous savez, laïcarde, hein, parce que ça a été très véhiculé par les Lumières, etc. Parfois à raison, parfois avec beaucoup d'exagération. On va faire face à une véritable vague d'obscurantisme type dynamitage des Bouddhas de Bamiyan. Hein, on va vers ça. Hein. Je ne sais pas si les gens le comprennent, mais c'est vers ça qu'on va. Et c'est générationnel, c'est-à-dire que... Ils feront péter, si vous voulez, les statues de Jeanne d'Arc, tout ce qui ressemblera plus ou moins à une femme en statue, ils feront tout péter. Pas tout de suite, hein, dans 50 ans. Et si vous voulez, il y aura quelques blancs autour pour applaudir. Enfin, c'est ce qui va se passer. Les derniers blancs, vraiment blancs, eux, ils auront déjà constitué leur bloc de peuplement. Enfin, ils auront créé des places fortes, des bastions, et ce sera imprenable, si vous voulez. Mais toutes ces zones-là, c'est mort. Je veux dire, c'est mort. C'est mort. Enfin, je veux dire, voilà. Mais pas toute la France. Pas toute la France. Pas la France en intégralité. Hein. Mais voilà. Et c'est, avec ce sondage-là, on peut se projeter à... Bah, imaginez, regardez un gamin qui a 15 ans, 18 ans. Parce que c'est ça, c'est formateur. Hein. Un gamin, grosso modo, quand il a 15, 20 ans, qu'il a embringué dans un courant philosophique, dans un courant religieux, dans un... Même si par ailleurs, après, il peut avoir une distanciation critique. C'est un peu moins chez les bougnoules, hein. Ils n'ont pas le QI pour, mais ça les marque durablement. Alors quand vous voyez que vous avez la moitié des jeunes lycéens qui sont déjà complètement imprimés par ce genre de truc, c'est pour la vie. Hein. Donc vous en avez pris pour 50 ans. Hein. J'aime autant vous le dire. Hein. Faut voir clair là-dessus, je veux dire. Faut voir clair. Oui, puis on peut, si on devient un pays musulman, il faut voir que produisent les pays musulmans. Quand ils ont la chance d'avoir du gaz et du pétrole, ils en extraient, mais autrement, ils produisent quasiment rien. Je crois que c'est justement Charles Gave dont tu parlais, qui le dit dans une émission sur BFM il y a longtemps déjà, mais ça a gardé de sa pertinence, je pense. Il dit « L'ensemble des pays arabes produisent autant, tous réunis, hein, ils sont quand même plus de 20, que les Pays-Bas ». Qui est quand même un petit pays de producteurs. Bon. Donc voilà, on a 22 contraintes. Oui, oui, oui. Mais ils ne produisent pas de CO2. Effectivement, quand tu produis rien, tu ne produis pas de CO2. C'est vrai. Non, mais rigole pas, parce que... Voilà, donc d'ici quelques années, ces gens seront grosso modo des saints qu'il faudra nécessairement que l'on respecte, car comme ils ne travaillent pas, qu'ils ne foutent strictement rien, bon, de temps en temps ils pètent et ils rotent, mais c'est minime par rapport à ce que les monstres du Nord font, ils auront quelque part sauvé la planète. Donc il faudra nécessairement qu'on leur trouve des jobs à responsabilité extrêmement importants et évidemment un respect total, bien entendu. On est parti pour des moments particulièrement agréables. Est-ce qu'on met les voitures brûlées dans le bilan carbone ou pas? Ah, j'aimerais bien. Ah putain. Putain, mais qu'est-ce qu'ils attendent à Grenoble et à Lyon et à Strasbourg pour poser ces questions trolls en conseil municipal? Putain, mais il faut les poser. Putain, mais elle est géniale celle-là, pour Ovitch. Ah, c'est clair, ouais. Ah là, il faut les poser. Allez, ah non, mais ils veulent des discours de mandarin, je vais leur en donner, moi. Non, non, mais il faut. Non, mais ça, c'est des trucs vraiment en conseil municipal, faut les poser, quoi, ces questions-là. Ah ouais, non, bien, t'as trouvé un truc là, bravo Porovitch. Bilan carbone. Moi j'ai une petite idée face à cette, bougnolisation intergalactique qui nous attend. Je me dis, bon, il faut être malin, bon, comme ça, ça a l'air désespérant, je me dis, il faut être malin, tu vois, il faut se bouger le cul, tu vois, les blancs, tu te laisses pas abattre, tu vois, il faudrait que tous les droitards... En fait, profite de cette dynamique pour tous se convertir à l'islam, en fait. Il faudra accepter certains bienfaits, donc plus de gay pride, plus de féminisme, l'homme remis au centre, le patriarcat, le socle familial qui serait embelli, remis en valeur. On profite de tous ces trucs-là, dans cet élan de bougnoulisme. Et ça pourrait peut-être nous propulser au sommet. Il faut les prendre de court, de vitesse, comme ça. Tous les blancs se convertissent, les droitards. Les gauchistes iront creux dans un coin et à la fin il restera plus que la guerre raciale, donc on sera au sommet et il n'y aura plus qu'à repurifier, on aura un califat, une charia blanche en fait, en bonne et due forme, et on pourrait peut-être dans 50 ans reprendre nos droits sur notre terre et voilà quoi. Mais le pire c'est que c'est un processus qui existe en islam, c'est-à-dire que passer une phase d'islamisation d'un pays, en fait, les populations autochtones reprennent le dessus en battant effectivement les colons arabo-musulmans d'origine à leur propre jeu. C'est-à-dire en étant plus musulmans que les musulmans. C'est vraiment des choses qui se sont passées. Mais ça se passe sur un temps très long, hein, c'est plusieurs générations. C'est pas 50 ans. Ah oui, j'imagine bien, quand même. Mais de la science-fiction, quoi, je veux dire. Ta gueule, Mokhtar, j'ai le droit de t'insulter, je suis musulman comme toi. Et je suis blanc, donc peut-être plus malin aussi, donc fais gaffe. Ouais, mais c'est ça, tu peux dire, quand tu t'appelles Mohamed, tu peux dire ta gueule, Mokhtar. Je m'appelle Merlin Abou Kader, quoi, donc voilà. Kareda, ça va te faire enculer. Non, mais effectivement, si dans 50 ans, on a vraiment totalement perdu, qu'il n'y a pas eu un revirement, il faudra peut-être conseiller à nos petits-enfants de se convertir, ça peut être une option à long terme. Alors non, c'est pas le genre de truc qui se passe à l'option, hein. C'est en général, c'est soit ou c'est ça ou la mort, en fait, si tu veux, en général c'est comme ça, hein. C'est quand le rapport de force devient trop défavorable, tu vois, c'est le sabre, où tu baisses le cul de Mohamed, hein. Ça se passe à peu près comme ça, quoi. Pas oublier qu'on a le droit à plusieurs femmes, et peut-être même sans se casser le cul, parce qu'il y aura des mariages arrangés, des harems, allons-y. Et surtout, très important, on a le droit d'être dérouillé. Oui, non, parce que le féministe, j'ai pas oublié, hein. Je dis franchement, j'ai pas oublié. Putain, t'as le droit de tabasser Caroline de Haas, tu vois. Il n'y aura même pas de femmes en fait, il n'y aura même plus besoin de les tabasser, elles seront toutes allées à la cuisine, tu vois, donc c'est pas... Ouais. Tout rentre dans l'ordre au final, et sans les bagnoles cramées au bout d'un moment, parce que ça, faut arrêter. De toute façon, après 50 ans d'islam, il n'y aura plus de voiture, hein. Ça sera la calèche ou le dromadaire. Hein. Oui, mais là, on revient à la question du bilan carbone, qui du coup, voilà... Tu vois, bah effectivement, si on revient au temps préhistorique, on aura un très bon bilan carbone. Merci les écologistes. Voilà. Ah non, on dit pas merci les écologistes, on dit merci les verts. Ouais, merci les verts. Bah ouais. Le vert, ça se dit souvent le vert. Mais pour en revenir à la démonstration de... Oh, bah tiens, là, c'est de la prière. Allez, c'est de la prière. Non, c'est le téléphone qui sonne, désolé. J'ai commencé à mettre un genou, c'est bon. Non. Pour en revenir à ce que disait Merlin concernant la droite, quelque part, il faut nécessairement et impérativement, mais maintenant, pas dans 3 semaines, il faut des zones prioritaires. Et je propose des zones prioritaires pour les migrants, exclusivement réservé à Auteuil, Neuilly et Passy. Bah, c'est ce qu'on appelle les zones vertes. Le terme a déjà été utilisé par BFM TV pour désigner les zones réservées aux personnes vaccinées. Ah bah tu vois. T'es exaucé avant même de formuler tes vœux. Ça veut dire que t'es déjà un bon musulman. Génial. Mais ce sera bientôt les musulmans migrants vaccinés. Ouais, les zones vertes, c'est marqué dessus, je veux dire. Oui. Vert comme l'islam, vert comme les écolos, il y a une convergence des esprits. Hein. Par contre, on va trouver quelqu'un d'autre que Eva Jolie, parce que ça fait un peu quand même norvégien du Nord, c'est un petit peu limite là. C'est... Alors, les gars, du coup... Oui. Ouais. En fait, il faut nécessairement se convertir à l'islam, mais dans l'optique du petit livre vert de l'ayatollah Khomeini. Donc, il faut devenir un converti. Alors, attendez. J'arrive avec les cadeaux maintenant que vous êtes tous convertis à l'islam. Ah. Ah, bah oui. Eh. Oh. Alors, c'est un. Alors, je vous lis le truc parce que ça se passe en France. Hein, ça se passe en France. Ça se passe en Ariège, d'accord? C'est le journal La Dépêche qui nous l'apprend, le mode d'emploi pour les rapports hommes-femmes dans la France de demain, d'accord? Donc, vous faites le lien, bien évidemment, avec tout ce qu'on a dit précédemment, hein? Changement générationnel, Sciences Po, etc. Voilà. Alors, comment ça va se passer entre les hommes et les femmes? Eh bien, comme on est quand même un peu con-con sur ces questions-là, des gens, j'ai presque envie de dire des formateurs, des coachs, viennent du Pakistan pour nous expliquer comment ça marche. C'est une méthode que je ne recommande pas nécessairement, mais enfin bon, je vous la rapporte. Poursuivi pour s'être introduit avec un couteau au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Pamiers, donc en Ariège, ce Pakistanais de 36 ans voulait s'assurer que sa promise, âgée de 14 ans, n'avait pas rencontré un autre homme. Mais la jeune fille, terrorisée, ne veut pas de lui, et ses parents ont dû intervenir pour désarmer le prétendant encombrant et inquiétant qui persécute l'adolescente depuis des mois. Devant le tribunal correctionnel, l'homme n'a cessé de réclamer qu'on lui donne la jeune fille. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme, donc par la justice raciste, colonialiste et islamophobe, vous l'avez bien compris. Échange surréaliste ce mardi en fin d'après-midi entre le président du tribunal correctionnel, Hervé Barrier, et un prévenu d'origine pakistanaise, poursuivi pour avoir brandi un couteau au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le CADA, de Pamiers, affolant une jeune fille et sa famille, obligée d'utiliser la force pour le maîtriser. « Moi, ce que je veux, c'est la fille !» a martelé cet homme de 36 ans, en France depuis 3 ans, et demandeur d'asile débouté tout récemment, le jour même de l'audience. « Monsieur le Président! Alors, vous me donnez la fille ?» a insisté l'homme, s'adressant au magistrat interloqué. « Qu'est-ce que vous comptez faire si elle refuse de vous épouser? Vous savez qu'en France, vous ne pouvez pas l'épouser contre sa volonté ?» lui a répliqué le magistrat, rappelant l'aversion de la jeune fille pour cet amant encombrant. La réponse du prévenu laissera le tribunal sans voix. « Moi, Pakistanais. Elle est russe. La France, ce n'est rien, assure l'homme. « Vous pensez que la France a besoin de vous ?» l'interroge alors le magistrat. « Pour moi, la France, c'est rien. Ce que je veux, c'est la fille. Donnez-moi la fille, c'est tout !» répond l'homme, imperturbable. L'avocate de la jeune fille et de sa maman, Maud Trepeuch, d'abord sidérée, rappellera la gravité des faits et le traumatisme vécu par ses deux clientes. « Rosina et sa mère Svetlana ont peur de cet homme », a expliqué l'avocate. « Cette crainte dure depuis des mois. Le comportement de cet homme a conduit à son expulsion du foyer du CADA en décembre 2019. Depuis, tous les jours, il s'installe dans sa voiture pour surveiller les allées et venues de ma jeune cliente. Puis, il y a eu cette intrusion le 10 janvier dernier. Il était armé d'un couteau. Leur peur a été très vive. L'homme avait d'ailleurs prévu de jouer du couteau s'il trouvait l'adolescente avec un autre homme. Et de cet homme, qui lui fait peur, Rosina n'en veut pas, ni maintenant, ni jamais, a conclu Maître Trepeuch. une expertise psychiatrique aurait été nécessaire, a répondu Maître Magali Obis, avocate du prévenu. En 2019, on l'a exclu du foyer, aujourd'hui on veut le mettre en prison, on ne fait que déplacer le problème, a affirmé l'avocate. Les magistrats ont tranché 3 ans de prison ferme. « Je n'oublierai pas la fille !» a répondu le Pakistanais, imperturbable. « Vous allez avoir le temps d'y penser », lui a répliqué le président Barry. Alors, messieurs, voilà, hein, bon, l'amour courtois, enfin, en Ariège, terre cathare, dans la plus grande tradition occidentale, est-ce que vous êtes conquis? Est-ce que ça y est, c'est bon? Vous vous accoutumez? Je vous pose la question comme ça, vite fait, bien fait. 14 ans, hein, couteau, qu'est-ce que... Non? J'apprécie la ténacité du brave musulman. Même face à la loi, non, je veux la fille, ta gueule. On appelle ça l'amour en islam. Ben, il a au moins un avantage, c'est que contrairement à, je crois, Frédéric Mitterrand, il n'a pas trouvé qu'à 14 ans, c'est dégueulasse. Puis lui, il est au moins hétérosexuel. Au moins. Et je pense qu'il il a l'air exalté, il veut la fille de 14 ans pour, je pense, faire comme le prophète pour se marier lorsqu'elle aura 15 ans, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, ou dépucelé même à 15 ans, je sais plus. Je crois qu'il s'est marié, elle avait 9 ans et il a dépucelé à 15 ans. Ouais, je sais plus. Il faut demander au savant. Marié à 6 ans, consommé à 9 ans. Ça, il faut. Non, il faut... Ah bah, dans le doute, demander à Sciences Po Grenoble. Ils vous répondront. Ah, c'est marrant parce qu'au début de l'article, ils parlent de la fille en disant sa promise. Oui. Alors moi, quand je vois la réaction du mec. Tu sais, il est devant le juge, il dit « Donnez-moi la fille, chien d'infidèle !» Je me dis, même si c'est pas dit dans la suite de l'article, est-ce qu'il n'y a pas eu des tractations, etc., des débuts de mariage arrangé? C'est possible, hein. Parce que sa promise, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, et puis, comment dire? Bon, lui, c'est un Pakistanais, elle est russe. Enfin, la famille est russe. Bon, on ne sait pas. Hein. Bon, elle s'appelle la gamine s'appelle Rosina. Bon, c'est ce qui est sûr, hein, c'est que Rosina, 14 ans, n'a pas choisi ce mec-là. Ça, on sait que c'est pas la gamine. Ça, c'est pas dans la culture musulmane. C'est pas la question. Non, je voulais dire de la part de la gamine de 14 ans, c'est pas elle qui a dit je veux me marier avec cet homme-là, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Ouais. Alors, Svetlana, la mère, est-ce que truc, bon. Là, on est un petit peu dans le flou. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée de promise. Bon, mais la gamine n'en veut pas. Après, les parents appellent les... Bon, on saura pas trop, en fait. Hein. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que visiblement, le Pakistanais... parce que Rosina, Svetlana, on est quand même, à mon avis, chez des Blancs, hein, de Russie. Hein, alors qu'ils ont quitté leur pays pour les raisons qui sont les leurs, je ne sais pas. Mais... Il veut pas n'importe quoi. Hein. Il s'est pas dit « je veux une Algérienne de 13 ans, de 14 ans que j'ai croisée dans la rue ». Non, il veut une blanche, hein, c'est clair. Il veut une blanche. Ah bah au moins, il n'est pas raciste. Oui, enfin... Peut-être que si, mais en sens inverse. Il veut monter l'échelle raciale. Ah. Il veut monter en haut de l'arbre. C'est ça. Non, mais bon, moi, je vous invite à méditer là-dessus. C'est-à-dire qu'on est en Ariège. On est en 2021. Les tribunaux sont en train d'essayer de démêler le vrai du faux, de trouver une solution à des gamines russes de 14 ans menacées par des Pakistanais armés de couteaux pour les marier de force. Bon. J'ai envie de dire, tous les blancs, les pauvres, la jeunesse occidentale qui se prend des vents par des putes sur Tinder, lui, en revanche, ne se refuse rien en tout cas. Il est dans une autre logique, mais bon, quelque part, comme un grand sage le disait très justement, la France est un pays surnaturel à vocation surnaturelle spirituelle. Voilà, voilà. Là, je pense qu'on est dans le surnaturel. Alors, qui d'autre pour une petite méditation sur cette évolution des mœurs? Non, mais c'est... Mais bon, est-ce qu'il est indiqué... Vas-y, Diabolix, vas-y. Excuse-moi, mais est-ce qu'on a indiqué la religion de cette famille russe? Non, non, on ne sait pas. Parce que c'est peut-être des Russes musulmans, on n'en sait rien. Ouais, ça aurait pu, mais avec des noms comme Svetlana, Rosina, bon, ça ne fait pas très islamique. Est-ce que ce sont les prénoms authentiques? Parce que parfois, dans les articles qui ont trait à la justice... Mais précise, non, mais ils précisent. Aussi. Quand c'est modifié, ils disent les noms ont modifié la nom. Hein, ouais. Mais comment dire, non, mais enfin, je veux dire, bon, évidemment, on tourne ça à la dérision parce qu'il faut bien en rire, on va pas quand même en pleurer. Mais voilà, c'est quand même la situation aujourd'hui en France, c'est-à-dire que même dans des départements aussi ruraux que l'Ariège, donc sur les contreforts des Pyrénées, vous avez maintenant des Pakistanais, je veux dire, c'est même pas des Algériens, je veux dire, c'est pas que ce soit mieux, mais on pourrait se dire, il pourrait y avoir une sorte d'explication géographique en se disant, bah oui, mais bon, voilà, les frontières sont ouvertes, alors les Algériens... Non, maintenant, on a carrément des gens, entre guillemets, qui viennent du Pakistan, qui sont en présent en France, on l'apprend depuis des années, qui devraient se faire virer, ils sont... Et vraiment, qui arrivent avec leurs mœurs, quoi, je veux dire, et qui veulent s'emparer de force, de gamines, de... Enfin, de... Parce que 14 ans, c'est des gamines, quoi. Et, ils arrivent avec les couteaux. Moi, je veux la fille. Et tu dis, non, mais le mec, il avait un accès de folie et tout. Non. Non, pas du tout. Le mec réitère, quoi. C'est ça qui est intéressant, pour ça que je posais la question de savoir s'il n'y avait pas eu un arrangement. Parce que ces mecs-là, en fait, ils sont dans leur logique, celle de leur pays, celle de leur culture, celle de leur religion. Et c'est vrai qu'en cas de mariage arrangé, s'il y a eu une promesse, dans son pays, il serait en droit d'aller devant un tribunal islamique et de dire au juge « Donnez-moi la fille ». Et c'est très marrant ce qui se passe, parce que voilà. Et ça nous montre que ces gens-là, en fait, les règles de la France, ils s'en foutent, hein, ils te le disent, hein, la France, c'est rien. Et eux, ils raisonnent sur des catégories, sur un système qui est le leur. Hein, et la rencontre des deux va être violente. Hein. Vous savez, je vous disais, quand on parlait Sciences Po, quand on disait, voilà, tous ces gauchistes, ou ces halogènes, hein, d'ailleurs, hein, qui vont recevoir une espèce de semblant de diplôme et qu'on va ensuite installer dans toutes les instances, les institutions, vous allez en retrouver certains. Alors, enfin, Sciences Po, c'est pas nécessairement le parcours indiqué, quoi, mais bon, c'est évident qu'on a des équivalents en droit, enfin, d'étudiants en droit qui partagent les mêmes idées, quoi, qu'on va retrouver dans les parquets. Et vous vous rappelez, en Normandie, il y avait eu cette histoire de viol qui, par un ressortissant, je crois que c'était du Sri Lanka, et c'était en Normandie, il y avait eu un viol, et les magistrats avaient dit qu'il n'était pas coupable parce qu'il n'avait pas les codes culturels. Ça devait être à peu près il y a 2 ans. Et en fait, on va se retrouver dans une situation, dans quelques années, où quand ce genre de Pakistanais, ou d'Afghans, ou de musulmans comme ça qui arriveront de leur... Ils diront, voilà, moi je veux cette fille. Selon cette logique, ils vont dire, oui. Si j'essaye d'imposer les codes culturels français, truc, racisme systémique, machin, mes couilles, je suis en train d'opprimer ce pauvre Pakistanais. Donc, par respect pour sa personne, je vais reconnaître ses droits à revendiquer la main de... Rosina, 12 ans, hein, raptée dans un centre pour demandeurs d'asile, voilà, et Rosina n'aura qu'à fermer sa gueule, puisque comme elle est blanche, elle fait partie du groupe oppresseur, de toute façon, donc elle n'a rien à dire. Je veux dire, on va en arriver là, en France. On va en arriver là, c'est fatal, il suffit de... 1 plus 1, ça fait 2, quoi. Voilà, donc... là, il y a eu encore un petit coup de... Je sais pas, enfin, les juges ont dit, ouais, quand même, là, c'est un peu fort de café. Ils l'ont pas viré, hein, vous avez remarqué. Ils l'ont pas foutu dans le premier avion direction Islamabad. Hein. Ils ont dit, ouais, quand même, un petit peu là. 3 ans, vous aurez le temps d'y réfléchir. Mais non, c'est un bougnoul, il réfléchit pas. Il a 75 de QI, le type, il ressort, il pense à la même chose. Il va y penser pour les 30 prochaines années, quoi. Et s'il arrive pas à ses fins, il va assassiner toute la famille. Vous voyez, et puis, On est en pleine dissonance cognitive entre un système, en fait, un système entier, quoi, un État, des cours de justice, des lois, une police qui ont été conçues pour l'essentiel à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pour un peuple européen civilisé, où les codes culturels sont partagés, et qui devient à une vitesse accélérée complètement obsolète face à des populations qui viennent des campagnes du Pakistan, des vallées de l'Afghanistan, et qui arrivent telles quelles, quoi. Hein, je veux dire, c'est en ligne directe, quoi. Ils arrivent, voilà, bing. Et ils arrivent sur des zones qui sont déjà complètement repeuplées de musulmans, quoi. Hein, et à la limite, on va finir dans une situation où nos Algériens feront figure de personnes civilisées à côté de ces individus-là, parce que les Pakistanais, les Afghans, c'est des sauvages. Hein. Voilà, mon frère, tu insinues que les Pakistanais, c'est des sauvages. Un pays qui a la bombe atomique, des scientifiques, tu insinues que c'est des sauvages. Ah, c'est les Chinois qui leur ont filé la bombe atomique, bon, mais bon, pour faire chier les Indiens, mais je te l'accorde. Non, mais bon, voilà. Bon. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais je veux dire, il faut prendre le temps de méditer sur ce genre de truc. Moi, j'aime bien m'intéresser aux juges et aux magistrats et aux décisions qu'ils prennent, parce que les ayant fréquentés, les ayant vus extrêmement dédaigneux, hautains, et ne rechignant jamais à me communiquer leur suprême antipathie vis-à-vis de ma personne, pour des raisons évidemment purement politiques, je mets toujours ça en regard avec les décisions qu'ils prennent ultérieurement, fatalement, hein, en disant, tiens, bon, s'ils me détestent, ils avaient certaines raisons, quelles étaient ces raisons? Et ensuite, je regarde leurs décisions sur d'autres dossiers. Je me dis, ah d'accord, ok, je comprends un peu mieux maintenant, vous voyez. Et non, on est vraiment... on est à l'aube de la sauvagerie la plus pure, hein. Le truc, c'est que si on ne le renvoie pas, on est dans la logique de ne pas renvoyer des gens comme ça, la logique s'applique dans le sens où il faut des tribunaux musulmans en Occident pour juger ces gens-là, sinon ça devient ingérable. Et ça pousse, t'es obligé de pousser le truc au maximum. Si tu prends l'islam, t'acceptes les musulmans, faut accepter déjà tous les cas de figure, dont ce mec, et réorganiser toute la société au bout d'un moment, parce que ça pousse dans ce sens-là, quoi qu'il arrive. Ou alors, tu fous tout le monde dehors. C'est ce que tu as déjà en Grande-Bretagne. Oui, là-bas, oui, les communautés sont complètement acceptées. En Grande-Bretagne, oui, voilà. Tu as déjà les tribunaux de la charia. Ouais. C'est ça le truc. Parce que là, on essaie de juger un mec avec une justice de... en fin de race, une justice de blanc occidental qui... Tu es censé juger des blancs. Une justice de blanc par des blancs pour des blancs, avec les prérequis que la personne que tu veux juger est censée comprendre la sentence, pourquoi elle est jugée, tout ça. Et là, c'est la remise en question totale. T'as des mecs qui viennent d'ailleurs, t'as des singes, des cannibales, t'as tout ça. Et en fait, on essaie quand même de gérer ça avec des demi-mesures. On comprend que c'est un étranger, mais bon, on le renvoie pas quand même. Donc, c'est pour ça que la logique, c'est... c'est la Grande-Bretagne à un moment donné, quoi. C'est soit tu acceptes de tout changer dans ta société et d'adapter l'islam intégralement, pour tous les cas de figure, dans un pays occidental, ou rien du tout. Là, ça rime plus à rien. Notre système est basé sur le principe, on dit souvent, nul ne peut ignorer la loi ou nul ne doit ignorer la loi. Mais déjà, c'est difficile parce qu'il y a énormément de lois qui sont, même pour un Français de souche qui sait lire le français et qui veut se renseigner et tout ça, qui a fait des études, c'est normalement déjà compliqué. Mais là, évidemment, quelqu'un qui vient de l'autre bout de la planète, qui sait ni lire ni écrire probablement, on pourrait toujours arguer du fait que, en fait, il connaissait pas la loi, il était pas au courant, il savait pas que c'était interdit. Et en Grande-Bretagne, il y a eu ça déjà plusieurs fois, telle personne reconnue de viol, souvent c'était évidemment de la diversité, comme on dit, mais il pouvait partir, il n'a pas été condamné à la prison parce qu'il savait pas officiellement que le viol était interdit, par exemple. Ouais, exactement. Et en plus, le mec, il s'attend, lui, dans son logiciel, c'est la loi est indécoupable, elle est forcément liée à la religion, en fait. Donc ça relève du sacré également. C'est comme ça que ça fonctionne dans un pays musulman, ce qui est juste logique, en fait. Et, voilà. Là, il arrive dans la laïcité, c'est terminé. On se dit à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Salut à tous. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, ces gens-là méritent notre haine.